Terry Pratchett nous a quittés il y a 2 semaines. J'ai découvert à cette occasion que cet auteur reconnu de fantasy avait aussi écrit des livres de vulgarisation avec un humour certain. Ainsi, en parlant de la célèbre formule d'Einstein, sans l'écrire, il précise en note de bas de page. On dit que chaque formule scientifique divise les ventes d'un livre de vulgarisation scientifique par 2. Foutaise. Si c'était vrai, il ne se serait vendu qu'un 1/8 d'exemplaire de « L'esprit, l'ordinateur et les lois de la physique » de Roger Penrose, alors qu'on parle en réalité de plusieurs centaines de milliers. Toutefois, au cas où la légende aurait un fond de vérité, nous avons choisi de décrire cette formule ainsi, donc sans l'écrire, pour doubler nos ventes potentielles. Vous la trouverez écrite sous forme symbolique à la page 37 d'Une brève histoire du temps de Stephen Hawking. D'ailleurs, si la légende est vraie, il aurait pu en vendre 2 fois plus, ce qui donne le vertige. Ce soir, nous recevons Jean-Pierre Luminet pour parler de son livre sur les trous noirs, en particulier, qui s'appelle Le destin de l'univers, écrit sans aucune formule. Nous sommes le 24 mars 2015, c'est l'épisode 211 et vous êtes sur Podcast Science. Bonsoir et bienvenue à tous. Donc, pour l'occasion ce soir, Podcast Science s'est délocalisé à Marseille pour se rapprocher de notre invité. Du coup, on a une vraie table physique à Marseille. Et autour de notre table, pour une fois, on est réunis avec Julie, donc, qui elle vient pas de très loin, qui vient de Nice. Salut Julie. Salut. Johan, qui a fait le déplacement depuis Baltimore. Bon, pas que pour ça, faut l'avouer. Bonsoir. Et donc Jean-Pierre Luminet qui est avec nous. Bonsoir, merci pour cette invitation. Autour de notre table virtuelle pour le coup, on a Robin qui est depuis Paris. Salut Robin. Salut. Et Irène depuis Santa Barbara. Salut Irène. Bonsoir. Voilà, donc au programme de l'émission de ce soir, c'est assez facile, c'est une émission de type interview. Donc on va interviewer Jean-Pierre Luminet principalement autour de son dernier livre et plus précisément autour des trous noirs. Et ensuite, vous aurez quand même le pitch de la semaine prochaine et ce sera tout. Et bien sûr, la quote, j'ai oublié la citation, et ce sera tout. Et du coup, pour commencer tout de suite, je laisse la parole à Johan qui va nous présenter d'abord un peu qui est Jean-Pierre Luminet au cas où vous ne le connaîtriez pas. Sait-on jamais. Alors, Jean-Pierre Luminet, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous avez fait la majeure partie de votre carrière au laboratoire Univers et Théorie de l'Observatoire de Paris-Meudon. Vous êtes maintenant au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Et pour résumer rapidement votre carrière, tout ce que vous avez fait en recherche, vous avez beaucoup étudié les trous noirs et leur environnement, simulant notamment l'image d'un disque de poussière orbitant autour d'un trou noir et ou son effet sur une étoile passant à proximité. Enfin, vous étudiez plus particulièrement maintenant la topologie de l'univers, en particulier par l'étude du fond diffus cosmologique. Cependant, votre brillante carrière de chercheur vous a aussi laissé le temps d'écrire plusieurs livres de vulgarisation scientifique, alors parmi lesquels Les trous noirs, donc en 1987, donc, dont Nico nous parlait justement dans son épisode sur Interstellar, et qui nous a permis de vous recevoir ce soir. L'univers chiffonné en 2005, dont nous avions parlé dans l'épisode de topologie de LJJ. Astéroïde, la Terre en danger, en 2012, donc qui est votre dernier livre. Alors en fait, l'avant-dernier, du coup. L'avant-dernier, du coup. Pardon. J'ai lu beaucoup. Et puis, bien sûr, Le destin de l'univers, trous noirs et énergie sombre, en 2006, qui est une version largement mise à jour. Donc, vous avez doublé le nombre de pages par rapport au livre de 1987. Et donc, ce que vous nous disiez à l'instant, c'est que la version de Fayard, qui était difficilement trouvable maintenant, était un vrai plus avec beaucoup d'illustrations, l'intégralité en couleur, et que c'était beaucoup, très, très, un très beau livre. Donc c'est principalement de ce livre dont on allait parler ce soir. Donc c'est en effet, donc, pour revenir sur l'introduction, un exploit d'écrire ce livre sans aucune formule, surtout les équations de Penrose dont vous parliez, surtout que vous décrivez quasiment l'histoire de la plupart des grandes théories scientifiques depuis Galilée, car chacune a son importance l'une après l'autre pour la description de ces objets que sont les trous noirs. Le livre est extrêmement complet, mais comme Nico et moi, on devra prendre un train dans 12 heures, on va se limiter aux trous noirs seulement ce soir, et en particulier sur ce qu'on peut apprendre dans le destin de l'univers. Ok, du coup, on va rentrer tout de suite dans le sujet des trous noirs. Alors, avant de commencer à lire la première version, du coup, parce que moi, j'ai commencé par la première version, j'avais un peu ce qu'on peut peut-être appeler une connaissance grand public de ces objets que sont les trous noirs, voire même peut-être une connaissance, après avoir lu votre livre, une connaissance newtonienne, en fait, du trou noir. C'est-à-dire que je savais qu'il y avait une vitesse maximale pour quitter une planète, une vitesse de libération, et que les trous noirs, c'était des astres tellement massifs que la vitesse de libération était plus grande que celle de la lumière, et du coup, rien ne pouvait en sortir. Ils étaient donc noirs, vraiment noirs. J'avais aussi entendu parler de singularité, une sorte de point de masse infinie, souvent représenté par un trou tendu à l'extrême dans la nappe de l'espace-temps. Et alors, à la lecture de vos livres, je vois que c'est pas tout à fait ça, voire pour certains éléments, pas du tout. Du coup, pour commencer tout de suite, comment vous présenteriez, définiriez un trou noir ? Alors c'est vrai qu'on peut toujours, il est toujours intéressant de se plonger dans l'histoire. D'ailleurs, l'un de mes plaisirs dans l'écriture de ce gros livre, Le destin de l'univers, c'est qu'également développer des aspects, beaucoup d'aspects historiques et également des aspects culturels, littéraires, etc., autour de l'imaginaire que l'on peut avoir sur le trou noir. Pour en revenir directement aux aspects historiques, comme vous l'avez rappelé, oui, l'idée d'un astre dont la gravité est suffisamment forte pour emprisonner éventuellement les rayons lumineux n'est pas une idée relativiste, c'est une idée purement newtonienne, puisque donc elle a été émise dès la fin du XVIIIe siècle. Par des astronomes qui ont fait le raisonnement selon lequel si la lumière est influencée par la gravitation, ce que Newton croyait, eh bien effectivement au-dessus d'une certaine masse ou d'une certaine densité en tout cas, eh bien la vitesse de libération à la surface d'un astre, qui est facilement définissable en mécanique classique, dépasse la vitesse de la lumière. Auquel cas, donc, les rayons lumineux restent piégés, ou en tout cas, ils ne peuvent pas s'échapper, ou ils retombent un petit peu comme les jets d'eau d'une fontaine. Alors, c'est une vision aujourd'hui qui paraît un petit peu naïve, mais malgré tout, elle permettait déjà à l'époque d'imaginer un petit peu le profil typique d'un astre capable de retenir les rayons lumineux. Ce profil, c'est soit un astre extraordinairement massif, ou soit éventuellement un astre extrêmement dense. Il a fallu attendre la relativité générale d'Einstein pour réellement donner un petit peu plus de matière et de chair et de corps à cette idée d'astre invisible, qui d'ailleurs avait été un petit peu oubliée pendant deux siècles, puisque je rappelle qu'entre-temps, les théories sur la lumière de nature plutôt ondulatoire avaient exclu l'idée que la lumière puisse être influencée par la gravitation. Et il a fallu attendre la relativité générale pour revenir sur cette idée et à partir de là, imaginer effectivement l'existence d'astre. Alors cette fois-ci, c'est plus effectivement directement la gravitation newtonienne qui agit, c'est la courbure de l'espace-temps, puisque vous savez très bien qu'en relativité générale, on décrit la gravitation non plus comme une force d'attraction, mais comme une manifestation naturelle de la courbure de l'espace et du temps qui est engendrée par la distribution des corps massifs. Et lorsqu'évidemment, on peut transposer, sans les écrire finalement, et visualiser un petit peu les équations d'Einstein, vous prenez effectivement un tissu élastique, je le fais régulièrement dans mes conférences, ça marche toujours. J'ai découpé un petit morceau de barésie et je mets des boules dedans et on voit bien que lorsque la boule est plus dense, la distorsion, la déformation du bas avec la maille du bas, c'est un petit peu le symbolise les trajets des rayons lumineux, la déformation est plus grande. Et le cas extrême, c'est un corps qui va atteindre en fait une sorte de taille critique ou de masse critique, qui sera donc le trou noir, qui va creuser un véritable puits dans le tissu élastique de l'espace-temps, qui est une zone de non-retour. Alors la grosse différence entre le trou noir et les astres effondrés que sont les naines blanches et les étoiles à neutrons qui sont bien connues comme stades terminaux de l'évolution des étoiles, la grosse différence c'est que les astres ordinaires ont une surface évidemment solide et matérielle, tandis que le trou noir n'en a pas, c'est réellement un puits et ce qu'on appelle la frontière d'un trou noir, horizon des événements, horizon parce qu'on ne peut pas voir au-delà les événements de l'espace-temps qui se passent. Cette frontière est immatériel, c'est une zone de l'espace-temps dans laquelle, si on rentre, eh bien, on est capturé par la courbure de l'espace-temps irréversiblement, même si on a un rayon lumineux. Et c'est ça le trou noir. Avec parfois, souvent, une confusion d'ailleurs sur l'idée qu'un trou noir, c'est une singularité. C'est-à-dire, évidemment, la première question naturelle qui se pose, c'est que lorsqu'on a un effondrement gravitationnel de ce type-là, comment se comporte la matière ? Est-ce que tout s'écrase en un point de densité infinie ? Le premier raisonnement, les premiers calculs un petit peu naïfs disent oui. Mais en fait, le trou noir en tant que zone de l'espace-temps qui va fonctionner comme un piège de matière et à lumière se forme avant cette singularité, puisqu'il forme donc ce qu'on appelle un horizon des événements, qui, je le répète, donc est une frontière immatérielle, une frontière géométrique de l'espace-temps. Vu de l'extérieur, c'est simplement, par exemple, une région délimitée par une sphère. Si le trou noir n'est pas en rotation, par exemple, il est statique, il est parfaitement sphérique. Voilà, et donc cet horizon des événements, c'est délimité par une sphère. Et si on rentre dans la sphère, on ne peut plus en sortir, en tout cas par le chemin direct. Alors, il y a deux choses là que je relève dans ce que vous venez de dire. On va peut-être commencer par la fin, du coup. On ne peut pas en sortir par le chemin direct. C'est-à-dire, il n'y a rien qui sort du trou noir ? Oui, non, parce que j'anticipe sur, évidemment, des questions qui vont arriver immanquablement. C'est justement, il y a deux aspects, évidemment, dans la... D'abord, les mathématiques du trou noir, puis après, l'astrophysique que l'on peut en tirer. Il y a, qu'est-ce qu'on peut tirer comme information du trou noir lorsqu'on est à l'extérieur, lorsqu'on reste à l'extérieur du trou noir ? Et puis après, qu'est-ce qui se passe lorsque, éventuellement, on y va ? On plonge dans le trou noir. La deuxième question est plus difficile que la première. La première, elle va intéresser notamment les astronomes et les astrophysiciens. Elle intéresse aussi évidemment les physiciens théoriciens, puisque l'une des grandes propriétés extraordinaires de ces objets fascinants que sont les trous noirs, c'est qu'en fait, vu de l'extérieur, lorsqu'ils sont à l'équilibre, ils ne dépendent, toutes leurs propriétés se résument à seulement trois paramètres, qui est extraordinaire pour un objet, n'importe quel objet naturel. Si vous voulez décrire exactement sa configuration totale, ne serait-ce qu'un simple morceau de sucre, par exemple, il vous faut des milliards de paramètres. Et puis même les autres étoiles, etc., ont beaucoup plus de paramètres. Bien entendu. Avec le trou noir, tout se simplifie d'une certaine façon, et ça amène à des considérations extrêmement profondes de physique sur la quantité d'informations en fait, qui est avalée dans un trou noir. Il se trouve que donc, l'essentiel de toutes les propriétés, les informations que l'on a sur la matière qui constitue un trou noir ou qui forme un trou noir ou qui tombe dans un trou noir une fois le trou noir formé, est perdu. Il ne subsiste que trois paramètres qui sont la masse, ce qu'on appelle le moment angulaire, qui est relié donc à une sorte de quantité de rotation du trou noir, et une charge électrique. Ça, sur le plan théorique, parce qu'après, dans les situations réelles, très vraisemblablement, les trous noirs astrophysiques sont électriquement neutres, et très vraisemblablement, les trous noirs naturels ne dépendent que de deux paramètres, la masse et le moment angulaire. On appelle ça des trous noirs de Kerr. Voilà. Ça, c'est pour l'extérieur. Alors, on verra après, on aura le temps, j'imagine, de discuter sur les façons dont, les astronomes peuvent détecter indirectement les trous noirs. Et simplement, bon, pour répondre, mais très brièvement, parce que je pense qu'on y reviendra sur le début de la question, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir ? Voilà. Donc, de deux choses l'une, effectivement, soit la matière s'entasse indéfiniment dans une singularité de courbure, une sorte de nœud de l'espace-temps, c'est la solution la plus simple. Et puis, il existe une solution mathématique fascinante, qui s'appelle la solution du trou de ver, wormhole en anglais, dans lequel le fond d'un trou noir n'est pas bouché, mais c'est une sorte de connexion, on appelle... un pont d'Anson, enfin il y a plusieurs dénominations de cela parce que ça a été beaucoup étudié sur le plan théorique. Sur le plan fictionnel aussi, pas mal. Oui, alors après ça a été archi utilisé évidemment pour la science-fiction, puisque en fait donc, ces structures-là permettraient en fait de faire communiquer une région de l'espace-temps qui serait un trou noir avec une autre région de l'espace-temps qui serait une sorte d'anti-trou noir qu'on appelle un trou blanc, plus exactement il vaudrait mieux l'appeler une fontaine blanche, c'est-à-dire plutôt un jaillissement spontané d'énergie hors d'un, également d'un horizon des événements. Et le passage entre les deux, le trou de ver, donc, ferait office de raccourci pour voyager dans l'espace-temps. C'est-à-dire, si on emprunte ce trajet, en admettant qu'on puisse réellement l'emprunter, que le trou de ver ne soit pas bouché, qu'on ne soit pas détruit par les forces de gravitation, etc., etc., donc scénario typique pour la science-fiction, bien entendu, eh bien, on s'aperçoit qu'on pourrait aller d'un endroit à l'autre de l'espace et du temps en des temps un petit peu s'affranchissant un petit peu de la limitation de la vitesse de la lumière que l'on connaît, évidemment, dans l'espace-temps ordinaire. Ça ne veut pas dire que l'on dépasse la vitesse de la lumière lorsqu'on est dans un trou de ver, c'est réellement, il y aurait en fait des déformations topologiques étranges de l'espace et du temps qui connecteraient par l'intermédiaire de ces trous de ver des régions qui dans l'espace normal hors trou noir seraient extrêmement éloignées les unes des autres. Mais je pense qu'on développera ce sujet par la suite. On n'a pas prévu de développer énormément, alors peut-être qu'on peut juste en dire deux mots. De ce que j'ai compris des différentes lectures, etc., c'est qu'a priori, les trous de ver, pour l'instant, c'est très spéculatoire et qu'il y aurait de grandes chances que ce ne soit pas du tout stable, un trou de ver. Oui, alors tout le problème des trous de ver, vous savez, toutes les équations de la physique, dont la relativité générale, bien entendu, sont toujours décrites par des équations mathématiques. Après, vous en cherchez des solutions. Oui. Mais en général, les solutions ne correspondent pas nécessairement. Même quand vous en trouvez des solutions exactes, ça ne correspond assez rarement, en fait, à une réalisation physique dans l'univers. Un exemple que vous donnez souvent, c'est que dans les plupart des équations de physique, on peut inverser le temps, par exemple. Par exemple. Oui, alors qu'après, effectivement, des principes physiques tels que la causalité ou ce genre de choses disent qu'en principe, bon, ce genre de choses, c'est plutôt interdit, même si c'est permis dans les équations. formellement. Alors, ce pourrait être le cas de ces structures fascinantes donc qu'on appelle les trous de ver, qui, je le répète, sont des solutions mathématiques parfaitement pertinentes, associées à ce qu'on appelle des trous noirs, enfin, aux trous noirs en rotation dont je parlais tout à l'heure. Mmh. Parce qu'en fait, un trou noir qui ne tourne pas, on sait que le trou de ver qu'il y a est forcément bouché. C'est-à-dire, il y a une singularité qui l'étrangle au milieu. En revanche, un trou noir qui tourne pourrait permettre effectivement que la singularité, qui ne devient plus un nœud ponctuel, mais qui devient une sorte d'anneau à l'intérieur du trou noir. Donc si vous avez un anneau, c'est facile finalement d'imaginer cela, hein. Si vous avez un anneau au lieu d'un point, vous n'avez plus un point d'étranglement. Vous pouvez éventuellement survoler l'anneau ou alors passer à travers. Et donc éviter les forces de courbure infinies, c'est-à-dire éviter la singularité. Alors pour aller où ? Ben, y a certains trajets qui suggèrent, théorie que je répète, hein, qui suggèrent que l'on peut ressortir dans l'espace et le temps, voire même dans d'autres univers, si on fait l'hypothèse de multivers ou ce genre de choses, et donc en faisant office de raccourci. Alors ça, c'est la solution mathématique idéalisée. Maintenant, dans l'univers physique, on pense que si les trous de ver peuvent réellement se former, ils sont très probablement instables. Ce sont des structures gravitationnelles. Hein. Le seul fait de pénétrer dedans introduit une perturbation gravitationnelle qui va très vraisemblablement, enfin en tout cas ce que certains de calculs indiquent, qui va très vraisemblablement perturber le trou de ver au point de le fermer et de le boucher. Donc il se pourrait que, même dans la situation déjà un peu idéalisée où un trou de ver existe réellement, il est ouvert, le seul fait d'y pénétrer, mais ne serait-ce qu'une seule particule élémentaire, hein, on y pénètre à une vitesse qui tend vers la vitesse de la lumière, en fonction du E égale mc2. On sait que quand on tend vers la vitesse de la lumière, la masse effective, la masse de mouvement augmente, donc ça fait cause une énergie, donc ça engendre la gravitation, ça engendre une perturbation gravitationnelle tellement forte que le trou de ver a spontanément tendance à se boucher avant qu'on puisse le traverser. Voilà. Donc c'est pas très favorable, c'est pas très positif, un petit peu dommage pour la science-fiction qui rêve évidemment d'utiliser ces portes des étoiles, hein, ou Stargate, comme on l'utilise souvent dans les nouvelles et les films de science-fiction. Mais les gens qui ont travaillé dessus, notamment Kip Thorne et de quelques autres, ont... bon, vous savez, les théoriciens, ils ont toujours des idées, hein, pour, voilà, pour échapper un petit peu aux contraintes des lois physiques. Voilà, ils ont imaginé qu'on pourrait éventuellement stabiliser et laisser maintenir ouvert un trou de ver en le tapissant d'énergie négative. Alors ça veut dire quoi, l'énergie négative ? En fait, c'est un champ de force, ce sont des champs de force qui existent sur le papier, ça existe peut-être même dans l'univers, puisque par exemple, l'énergie du vide ou les champs de quintessence ou autres qui pourraient fournir une explication à l'accélération de l'expansion de l'univers, qu'on appelle donc l'énergie noire, sont effectivement des champs répulsifs, c'est-à-dire une sorte d'antigravitation. Et c'est pour ça que l'expansion de l'univers serait actuellement en accélération. Le même type de champ, ayant des propriétés analogues, répulsives, injecté dans un trou de ver pourrait finalement l'empêcher de s'effondrer gravitationnellement, puisque ça introduirait de l'antigravitation. Alors on est là, on est vraiment aux limites, je veux dire, des équations très théoriques, voilà, imaginant ce type de champ de force. Et après, la manière dont on pourrait l'injecter effectivement dans un trou de ver, ça relève davantage de la science-fiction, mais pourquoi pas. Oui. Pour l'instant, on a rien qui va dans le sens, mais rien qui est contredit. On a envie d'y croire, ne serait-ce que parce que quand on pense bien à la chose, c'est-à-dire au voyage déjà interstellaire, pour ne pas parler du voyage intergalactique, si ce genre de structure n'existe pas, on est irrémédiablement limité par la vitesse de la lumière et les immenses distances qui nous séparent des astres lointains. On peut se dire qu'on ne sortira jamais de notre petite boîte, système solaire et éventuellement quelques étoiles proches, parce que sinon il faudrait trop de temps pour se déplacer d'un point à l'autre de l'univers. Et les trous de ver traversables représenteraient finalement le seul moyen de réellement s'affranchir de ces distances gigantesques et d'explorer au moins déjà la galaxie, peut-être éventuellement même d'autres galaxies. Alors peut-être pour revenir sur des choses plus, qui font plus consensus. Oui, parce que ceci n'est que quelques paragraphes de mon énorme livre qui parle de choses un petit peu plus... Un autre élément qu'on a dans le conscient collectif sur les trous noirs, c'est que le trou noir, c'est une sorte d'ogre qui avale tout. Or, de ce que j'ai pu comprendre, il y a aussi des trous noirs qui ont tendance à perdre des choses, voire même à s'évaporer. Oui, alors deux choses. Alors oui, bah, l'idée d'ogre cosmique, c'est parce qu'effectivement, je l'ai dit au début, dans la définition du trou noir, quand un objet rentre dedans, en principe, il ne ressort pas. Donc ça veut dire que le trou noir absorbe, il grossit en absorbant, et en plus son pouvoir d'action augmente à mesure qu'il grossit, parce qu'en fait la taille d'un trou noir est directement liée à sa masse et donc son rayon d'action également. Voilà. Alors ogre cosmique effectivement, puisqu'on connaît l'existence de trous noirs géants qui sont au centre des galaxies, dont les masses peuvent dépasser plusieurs milliards la masse du Soleil. Ces trous noirs sont capables de gober des étoiles entières. Hein, ce sont d'énormes structures, parce qu'un trou noir de plusieurs milliards de masses solaires a corrélativement un rayon de plusieurs milliards de kilomètres. Donc un de ces trous noirs géants que l'on a déjà détecté dans des galaxies lointaines, si on le mettait dans le système solaire, il engloberait le système solaire tout entier. Et on conçoit volontiers finalement qu'une étoile à côté, c'est une petite structure et peut être effectivement avalée directement. Alors il y a un processus un peu plus intéressant, que j'ai d'ailleurs moi pas mal étudié, c'est lorsqu'une étoile, au lieu de rentrer directement, frôle un trou noir géant, auquel cas elle est soumise à des effets, ce qu'on appelle les effets de marée, des effets de gravitation différentielle, qui font qu'elle pénètre en fait dans un espace-temps extrêmement déformé, et que donc l'objet lui-même qui est dans l'espace est déformé. Donc l'étoile est tirée dans certaines directions, comprimée dans d'autres. L'effet crève flambé, c'est ça? Alors j'avais développé avec mes collaborateurs, Brandon Carter et quelques autres, au début des années 80, le modèle qu'on avait fini par appeler la crêpe stellaire flambée, puisque en mettant ça en équation, avant que l'on puisse observer quoi que ce soit d'ailleurs, on avait simplement... calculer que l'étoile, durant son passage dans ce qu'on appelle le rayon de marée, en fait, était essentiellement aplatie dans le plan de son orbite, sous la forme d'une sorte de crêpe gazeuse. Alors, comme elle ne peut pas être indéfiniment aplatie, la température, la pression augmente, et elle finissait par chauffer, et donc par exploser. Et donc, on avait appelé ça des crêpes stellaires flambées, avec la prédiction que ce genre de phénomène devrait donner lieu à des sortes d'éruptions de rayonnement, qui ont effectivement été détectées 15 ans plus tard, et aujourd'hui c'est assez commun, chaque semaine les grands télescopes détectent ce genre de flambées stellaires dans des noyaux de galaxies lointaines qui abritent des trous noirs géants, et ce sont très probablement donc des étoiles brisées par les forces de marée. Alors tout ça, donc, ça illustre un petit peu le côté ogre du trou noir. Alors il ne faut pas non plus exagérer ce côté ogre, parce que il y a quelque chose qui n'est pas connu du public mais qui est absolument fondamental en astrophysique, c'est que vous mettez un trou noir dans un milieu donc ambiant où il y a par exemple du gaz, des étoiles, etc. Vous dites à quelle vitesse va-t-il, y a-t-il un frein à sa capacité d'absorption de la matière? Eh bien oui, il y en a un. Si vous prenez par exemple du gaz qui tombe dans un trou noir, que ce soit sous forme d'un nuage sphérique ou sous la forme d'un disque d'accrétion, de structure plutôt plate ou toroïdale autour du trou noir, évidemment il y a ce phénomène d'absorption qu'on appelle l'accrétion à un certain taux. Mais il ne faut pas oublier que lorsque le gaz s'approche du trou noir, il est chauffé. En chauffant, il émet du rayonnement. Et le rayonnement sort. Et il y a une pression de rayonnement sortante. Et cette pression de rayonnement va modérer ce qu'on appelle le taux d'accrétion, c'est-à-dire la quantité de matière qui peut tomber dans le trou noir. Et il y a une sorte d'équilibre naturel qui s'établit. Ça s'appelle la limite d'Eddington, du nom d'un astrophysicien britannique, qu'il avait calculé non pas pour les trous noirs, mais pour d'autres phénomènes typiquement liés à ces phénomènes d'accrétion, qui peuvent aussi se passer pour les naines blanches et les étoiles à neutrons, et qui sont une sorte d'équilibre. Donc en fait, un trou noir ne peut pas avaler de la matière à un rythme au-dessus d'une certaine limite critique, ce qui limite précisément sa vitesse de croissance et sa vitesse d'augmentation. D'accord. Et ce phénomène-là, il est intéressant parce que on a très récemment découvert, et ça j'ai pas pu en parler dans l'ouvrage parce qu'on l'avait pas encore découvert. Ce sera dans le volume suivant, 2600 pages. Voilà, prochaine édition. Voilà, un trou noir absolument gigantesque qui est situé dans une galaxie extrêmement lointaine, précisément un quasar. Bon, je rappelle, les quasars, ce sont des noyaux de galaxies extraordinairement actifs. Et la seule façon d'expliquer l'énergie phénoménale qui est libérée par ces objets lointains, ces quasars, c'est un trou noir géant qui absorbe de grandes quantités de gaz. Par exemple, plusieurs masses solaires de gaz par an, chaque année. Voilà. Et donc, on a détecté et repéré, à cause de la luminosité extrême de ce quasar, un trou noir dont on a estimé la masse à 12 milliards de fois la masse du Soleil. Le problème, c'est que ce quasar, en général, les quasars sont des objets plutôt lointains, et celui-là est extrêmement lointain. Il a été détecté à ce qu'on appelle un certain décalage vers le rouge, extrêmement grand, un peu plus de 6. Et quand on fait le calcul, on s'aperçoit que ça veut dire que le trou noir qui est dans ce quasar s'est formé à peine 800 millions d'années après le Big Bang. Et donc on se pose la question, mais comment se fait-il qu'un trou noir aussi gigantesque ait eu le temps de se former en un laps de temps aussi bref. Parce que précisément, normalement, comme je viens de l'expliquer, le taux de croissance d'un trou noir, même si l'aval absorbe beaucoup de matière, même s'il est dans un environnement extrêmement riche, comme c'était le cas probablement dans l'univers très jeune, très primitif, où évidemment, il y avait beaucoup plus de matière qu'aujourd'hui, quand on fait le calcul, on a du mal à expliquer comment un trou noir, même si initialement il peut avoir quelques millions de fois la masse du Soleil, comment il peut multiplier sa masse d'un facteur 1000 en si peu de temps. Voilà. Donc on voit que cette histoire de taux d'accrétion limité ou pas pour les trous noirs pose des questions très intéressantes sur précisément la formation et l'origine de ces objets. Alors maintenant, sur l'origine de votre question, c'est que vous mentionnez qu'il y avait la possibilité maintenant carrément que des trous noirs, au lieu de grossir, puissent carrément perdre de l'énergie et de la matière. Alors ça, c'est un sujet absolument fascinant que je traite dans deux ou trois chapitres. Alors là, on sort un petit peu de l'astrophysique traditionnelle parce que ça fait appel en fait à un modèle théorique qui n'a pas été encore confirmé sur le plan expérimental. C'est l'hypothèse qu'on appelle les mini-trous noirs. Voilà, donc les mini-trous noirs, c'est l'hypothèse qui avait été imaginée dans les années 80 par plusieurs chercheurs que peu après le Big Bang, des micro-trous noirs, mini-trous noirs ou micro-trous noirs, c'est-à-dire des trous noirs de taille microscopique, aient pu se former, alors non pas du tout par le processus habituel, normal, astrophysique, c'est-à-dire l'effondrement gravitationnel d'une étoile massive, par exemple, ou d'un amas d'étoiles, mais simplement par la pression extérieure énorme. On imagine le très jeune univers comme une sorte de plasma extrêmement dense, extrêmement chaud, avec des fluctuations, et on peut calculer que, dans certaines conditions, la pression extérieure puisse carrément faire effondrer les fluctuations. Alors, c'est pas ces fluctuations, les grumeaux, en quelque sorte, ne s'effondrent pas sous leur propre gravité, qui n'est pas suffisante, mais sous la pression extérieure. Mmh. Hein, voilà. Et donc, ça formerait ce qu'on appelle donc des trous noirs primordiaux. Alors après, quand on fait des calculs, on s'aperçoit qu'on peut avoir des trous noirs primordiaux extrêmement petits, à la fois en taille et en masse, et puis des trous noirs primordiaux qui pourraient aller jusqu'à quelques millions de fois la masse du Soleil. Alors les trous noirs primordiaux relativement massifs pourraient justement être un début d'explication pour ces trous noirs géants que l'on observe être apparus si tôt dans l'histoire de l'univers. Maintenant, en ce qui concerne les trous noirs primordiaux mini, trous noirs microscopiques, eh bien, ils posent des questions absolument fascinantes. Alors, un trou noir microscopique, typiquement, c'est un trou noir qui, au lieu d'avoir des masses d'étoiles ou de millions de fois de masses d'étoiles, a la masse à peu près d'un astéroïde ou d'une montagne, enfin, 10 puissance 15 grammes, disons, hein, que ça. Ça veut dire que la taille correspondante, c'est à peu près la taille d'un proton. Donc, du coup, on a des objets qui sont également quantiques. Ils ne peuvent plus être décrits uniquement par les lois de la relativité générale. Alors, c'est bien connu, comme je le raconte dans le livre, Stephen Hawking, le célèbre Hawking, dans les années 80, a commencé par faire un calcul du comportement d'un mini trou noir primordial, microscopique, et il a eu la surprise, initialement, de s'apercevoir que ce trou noir se comportait différemment des trous noirs astrophysiques normaux, et notamment qu'il pouvait perdre de l'énergie et s'évaporer, l'évaporation quantique des trous noirs. Voilà. Alors, c'est dû uniquement à l'introduction de phénomènes typiques de la mécanique quantique pour décrire l'espace-temps extérieur au trou noir et l'influence d'un champ gravitationnel très puissant sur l'espace-temps quantique produirait donc ce phénomène d'évaporation d'un trou noir. Donc ça veut dire que, par exemple, un trou noir primordial de 10 puissance 15 grammes qui se serait formé quasiment au moment du Big Bang aurait un temps de vie limité qui est justement de l'ordre de l'âge de l'univers actuellement connu, c'est-à-dire à peu près 14 milliards d'années. Donc ces trous noirs-là seraient en train de s'évaporer aujourd'hui. Donc on avait une belle théorie qui faisait une prédiction observationnelle. Mmh. L'évaporation d'un trou noir dans les stades finales, c'est un énorme déversement d'énergie, bouffée de rayons gamma, ce genre de choses, etc. Alors il y a beaucoup de bouffées de rayons gamma qui sont observées dans l'univers, mais aucune ne correspond au calcul de l'évaporation quantique d'un mini trou noir. Donc en fait, l'absence d'observation pose une contrainte très forte sur la densité de micro-trous noirs, en admettant qu'ils se soient bel et bien formés au Big Bang, parce que pour l'instant, rien ne le garantit. La théorie, elle est bien, elle est séduisante, mais rien ne le garantit. Donc, ça limite la densité de micro-trous noirs dans l'univers. Donc, ça veut dire que Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de s'inquiéter sur le fait qu'un micro-trou noir pourrait débarquer comme ça, impromptu, dans notre système solaire, passer près de la Terre, bouffer à moitié la Terre, ou traverser la Terre de pas en pas, et traverser le Soleil, etc., comme parfois certains l'ont imaginé. Parce que si les micro-trous noirs existent, il y en a très très peu, il y en a moins d'un par année-lumière au cube, par exemple. Et un micro-trou noir, je répète, c'est la taille d'un proton, pas plus. Hein. Voilà. Donc, il n'y a pas ce problème. Mais je répète, les micro-trous noirs sont fascinant, au moins sur le plan théorique, parce qu'il donne une idée sur la façon dont on peut mettre ensemble la relativité générale classique et la physique quantique. Et on voit, avec justement ce phénomène d'évaporation qui va à l'encontre des idées classiques sur les trous noirs, que dès qu'on introduit des phénomènes quantiques, eh bien on a des comportements nouveaux. Alors, ça a suscité en fait une quantité de travaux extrêmement, extrêmement importants, extrêmement pertinents sur l'évaporation donc d'un trou noir. Est-ce que, par exemple, quand un trou noir s'évapore, est-ce qu'il restitue toute l'information qu'il a absorbée ? Je disais tout à l'heure que l'une des grandes propriétés des trous noirs, c'est qu'ils peuvent, un trou noir à l'équilibre de l'extérieur est caractérisé par trois paramètres. Ça veut dire que c'est un puits gigantesque d'informations, puisque toutes les informations sur la matière qu'il a constituée sont quelque part confinées dans le trou noir. Voilà. On appelle ça l'entropie. Voilà. Lorsqu'un trou noir s'évapore, on se pose la question naturellement, est-ce que cette information elle est restituée dans le rayonnement issu de l'évaporation du trou noir ou pas ? C'est une question qui n'est pas encore complètement résolue. Ça a été l'objet de grands débats et de grandes disputes entre plusieurs écoles. Il y avait plutôt l'école de Hawking qui, initialement, disait qu'il y avait une partie de l'information irrémédiablement perdue. De l'autre côté, il y avait plutôt l'école des physiciens quantiques. En physique quantique, normalement, l'information ne peut pas être perdue. Qui disait que forcément, on devait récupérer toute l'information. Voilà. Et pour résoudre le débat, il faut développer des théories de gravitation quantique. Et on sait qu'il y a des approches encore en construction, ça peut être la théorie des cordes, la gravité quantique à boucle. Je consacre un petit chapitre dans le. C'est un peu le chapitre extrême. Même hein, assez critique. Sur oui. oui. Pour essayer de résoudre cette question. Voilà, la tendance semble pencher actuellement en faveur, effectivement, d'une information qui serait éventuellement entièrement récupérée lors de l'évaporation d'un trou noir. Mais les choses ne sont pas complètement encore jouées. Juste deux mots par rapport à cette évaporation, histoire que, pour savoir si peut-être vous allez me contredire. Le phénomène d'évaporation, autant les micro-trous noirs ne sont pas prouvés, par contre le phénomène d'évaporation peut exister aussi dans les gros trous noirs, mais extrêmement négligeable, c'est ça ? Oui, à partir du moment où c'est un phénomène essentiellement dû quantique, dès qu'on passe au niveau macroscopique, ce phénomène a tendance à s'effacer, sauf si on dispose d'un temps suffisant. D'accord. Évidemment. Alors, évidemment, pour les trous noirs astrophysiques, ne parlons pas des trous noirs géants. Actuellement, ces phénomènes sont totalement, totalement inexistants, enfin, ces phénomènes d'évaporation quantique, mais on peut imaginer, on a spéculé, et des gens l'ont fait, et des gens brillants, comme Penrose notamment, que si on est, par exemple, dans un univers ouvert, avec un temps futur quasiment infini, eh bien, à la longue, les processus quantiques, quelle que soit leur probabilité extraordinairement faible, finiront par se produire, y compris l'évaporation de trous noirs géants. Mais dans des temps non pas infinis, mais extraordinairement démesurés par rapport à nos échelles. Ok, je crois qu'on va parler un peu observation et comment on prouve qu'on a des trous noirs. Alors, il semble exister beaucoup de sortes de trous noirs différents. Et à partir d'un moment, dans le livre, on ne parle plus de candidats aux trous noirs, mais de trous noirs. Oui. Donc, est-ce que c'est seulement théorique ou est-ce qu'ils existent ou est-ce qu'on les trouve ? Et qu'est-ce qui reste à confirmer par l'observation ? Disons qu'on a aujourd'hui, alors évidemment ce sont uniquement des arguments indirects, parce que évidemment par construction on ne peut pas détecter directement le trou noir, mais ce qu'on observe donc c'est les effets particuliers au trou noir que les trous noirs vont exercer sur leur environnement, par exemple donc sur un disque d'accrétion ou sur des amas d'étoiles dans lesquels ils peuvent se trouver et ainsi de suite. Le statut observationnel des trous noirs, il a beaucoup évolué au cours de ces 30 ou 40 dernières années. Moi, je me souviens quand j'ai commencé en fait mes premiers travaux sur les trous noirs, c'était à la toute fin des années 70. Les astronomes qui m'entouraient, moi je venais de la physique théorique et des maths, donc ce qui m'intéressait c'était vraiment les propriétés mathématiques, physiques des trous noirs. Et, mais débarquant à l'observatoire de Paris-Meudon, je voyais bien que les astronomes, ils attendaient quelque chose d'un peu plus consistant sur l'existence des trous noirs. La première chose que j'ai commencé à faire, c'est d'abord de m'amuser à calculer à quoi pourrait ressembler un trou noir si on pouvait voyager dans l'espace sans approcher suffisamment près, un trou noir entouré justement de structures lumineuses, un disque d'accrétion, ce genre de choses. Puis après, la deuxième phase, c'était d'étudier des situations plus astronomiques, c'est-à-dire justement de loin à quoi ça pourrait, de loin à quoi ça pourrait ressembler. Donc il faut savoir que, par exemple, donc un disque de gaz autour d'un trou noir stellaire, par exemple, est chauffé dans ses parties internes à plusieurs millions ou dizaines de millions de degrés, et donc doit émettre des bouffées de rayonnement X. Donc tout ça, ça se met en équation, on a des modèles de disques d'accrétion, on calcule le spectre du rayonnement qui est émis, on fait des prédictions, et c'est ce qui a été observé à partir de la fin des années 70. On a commencé à embarquer des télescopes à rayons X dans l'espace et on a commencé à s'apercevoir qu'il y avait des systèmes étranges, qui étaient des systèmes, on appelle ça des sources X binaires, c'est-à-dire des couples d'étoiles dans lesquels on ne voit qu'une composante, dans le domaine électromagnétique ordinaire, et il y a des bouffées de rayonnement X extraordinaires qui sont émises, et donc vraisemblablement dues à l'accrétion de gaz sur un compagnon compact. Alors après, il faut savoir faire la différence entre ce qu'on appelle une étoile à neutrons, qui peut être capable également de faire produire le même type de phénomène, et les trous noirs. Donc tout un ensemble de méthodes et de mesures permettent d'essayer éventuellement de faire la différence entre une étoile à neutrons un trou noir. C'est essentiellement une question de masse critique. Hein. On sait que les étoiles à neutrons ne peuvent pas dépasser une certaine masse critique de l'ordre de 2 à 3 fois la masse du Soleil. Et quand on fait des mesures, quand on arrive à peser indirectement les composantes invisibles des sources X binaires, et quand cette masse dépasse 2 à 3 fois la masse du Soleil, eh bien on appelle ça un candidat trou noir. Alors à la fin des années 70, on appelait ça des candidats trou noirs. Et aujourd'hui, on a des candidats tellement bons qu'on peut dire qu'ils ont passé leur examen. Et que ce sont réellement des trous noirs. Sinon, il faudrait un petit peu refaire à la physique, l'astrophysique à zéro pour interpréter ces objets. En tout cas, on n'a pas de meilleure explication aujourd'hui pour ça. Parce qu'il n'y a absolument pas d'explication. Enfin, il y a d'autres explications alternatives, mais qui sont extraordinairement loin d'expliquer quasiment l'ensemble des phénomènes qui sont observés. Alors là, je donnais l'exemple de trous noirs de type stellaire. Parce qu'il faut dire que donc finalement dans les trous noirs, a priori la théorie prédit l'existence de trous noirs un petit peu de toute taille et de toute masse. Donc j'ai dit un mot sur les trous noirs microscopiques qui eux se seraient formés uniquement possiblement au Big Bang. Après dans l'univers, l'évolution des étoiles nous apprend que les étoiles extrêmement massives peuvent développer un cœur qui va s'effondrer avec une masse supérieure à la limite de stabilité des étoiles à neutrons. Et donc, ce cœur qui s'effondre, ben, pour l'instant, on n'a pas d'autre alternative astrophysique que la formation d'un trou noir dit de type stellaire. C'est-à-dire, sa masse va faire quelques fois la masse du Soleil, mais ne va pas dépasser 50 fois la masse du Soleil, par exemple. Parce qu'on sait que les plus grosses étoiles ne font que 100 ou 150 fois la masse du Soleil. Donc, le cœur de ces étoiles est un peu plus petit. Donc, ça, c'est les trous noirs stellaires. Donc, on détecte aujourd'hui essentiellement les trous noirs stellaires, je le répète, dans ces sources X binaires, c'est-à-dire dans un couple d'étoiles, initialement, vous avez deux étoiles, une étoile peu massive, donc elle évolue lentement, elle reste gazeuse très longtemps, l'autre étoile éventuellement beaucoup plus massive, elle explose en supernova, en hypernova, son cœur forme un trou noir, et vous avez une phase dans l'histoire de ce couple stellaire, vous avez une étoile qui reste à l'état gazeux, avec un compagnon qui est un compagnon compact, par exemple un trou noir. Le trou noir va commencer à fonctionner comme un véritable aspirateur gravitationnel. Il va aspirer l'enveloppe gazeuse de la partenaire. Et donc, c'est ce gaz-là qui va spiraler, arracher à l'étoile principale, l'étoile gazeuse, qui va être arrachée et il va spiraler autour du trou noir. Et avant donc de disparaître, va être chauffé à des millions de degrés et va émettre donc ces rayons X qui sont observés. Après, il y a les trous noirs qu'on appelle les trous noirs massifs et puis les trous noirs supermassifs. Alors, les trous noirs massifs, c'est à partir d'un million de fois la masse du Soleil. Et puis, les trous noirs supermassifs, c'est plusieurs milliards de fois la masse du Soleil, qui sont censés, eux, exister en un exemplaire unique au centre de quasiment chaque galaxie. Alors, par exemple, au centre de notre galaxie, la Voie lactée, il y a une source de rayonnement qui s'appelle Sagittarius A étoile, qui s'interprète aujourd'hui comme un trou noir relativement massif, qui produit relativement peu d'énergie parce qu'il n'a pas beaucoup de nourriture. Il a pu en avoir dans le passé, mais actuellement, il n'en a pas beaucoup. Mais autour, il y a des étoiles. C'est-à-dire ce trou noir, dont la masse est aujourd'hui estimée à 4 millions de fois la masse du Soleil, est au cœur d'un amas d'étoiles. Et ces étoiles-là, on les voit au télescope. Et on voit ces étoiles bouger. Ça fait plus de 20 ans qu'on suit le mouvement de ces étoiles. On les voit bouger autour du centre de gravité invisible, mais on soupçonne qu'il y a une masse là qui les fait bouger, parce que les vitesses mesurées de ces étoiles sont anormalement élevées. Et la seule façon d'expliquer c'est la dynamique globale de l'amas, c'est la présence effectivement d'une masse de 4 millions de fois la masse du Soleil. Donc ça, c'est un trou noir massif. Il y a des trous noirs super massifs, dont cette fois-ci les masses dépassent plusieurs milliards de fois la masse du Soleil. Et ces trous noirs supermassifs sont également repérés dans de nombreuses galaxies. Et je le disais tout au début, aujourd'hui, les records sont détenus par des trous noirs censés se trouver alimenter l'énergie de quasars, c'est-à-dire ces noyaux de galaxies extrêmement lointains, extrêmement brillants. Le record, bon, alors après, bon, évidemment, les estimations de masse sont difficiles à faire, c'est fondé sur la luminosité des quasars, etc., etc. Mais bon, actuellement, le record semble être détenu par un trou noir qui fait 40 milliards de fois la masse du Soleil. Tu vois, si vous imaginez, c'est quelque chose d'absolument gigantesque. 40 milliards de fois la masse du Soleil, c'est bon, absolument phénoménal. Voilà. Alors, justement, se pose le problème, comment on arrive à fabriquer des trous noirs, aussi gros? Ça veut dire qu'ils ont été dans un environnement extraordinairement dense, ou alors qu'ils sont le résultat de la fusion de plusieurs trous noirs géants. Parce qu'il ne faut pas oublier que les galaxies, et les grosses galaxies, se trouvent dans des amas de galaxies. Et les galaxies dans leurs amas sont généralement assez serrées, elles se tamponnent, elles entrent en collision. Et on a déjà des observations de galaxies en collision et en fusion qui ont commencé à mélanger leurs trous noirs. Alors, chacune de ces deux galaxies a déjà un trou noir central gigantesque. Et lorsque les galaxies fusionnent, les deux gros trous noirs peuvent se mettre en orbite l'un de l'autre. Et puis en perdant de l'énergie par onde gravitationnelle, ils vont finir par fusionner. Voilà. Donc on peut quand même imaginer plusieurs grosses galaxies géantes qui ont fusionné et qui ont fini par mélanger leurs trous noirs centraux pour faire des trous noirs gigantesques. Mais ça pose donc des questions intéressantes, la formation de ce trou noir absolument géant sur les échelles de temps, donc inférieures nécessairement à l'âge de l'univers. Puis j'ai oublié un cas intermédiaire qu'on appelle justement les trous noirs de masse intermédiaire. Ce seraient des trous noirs dont les masses seraient de l'ordre de quelques milliers de fois à peu près la masse du Soleil. Donc, ça ne peut pas être des trous noirs stellaires. Ce n'est pas des trous noirs supermassifs au sein des galaxies. On pense qu'ils pourraient se trouver au centre de certains amas d'étoiles très serrés qu'on appelle les amas globulaires. Aujourd'hui, on commence à avoir des observations. Les astrophysiciens ont longtemps douté de l'existence de ces trous noirs de masse intermédiaire. Et puis aujourd'hui, on commence à avoir des observations relativement convaincantes sur les trous noirs de masse intermédiaire, mais qui seraient en relativement petit nombre. Pour résumer, un trou noir géant dans une galaxie donnée. Vous avez un trou noir géant en général, à part pour quelques galaxies irrégulières comme le nuage de Magellan, enfin une galaxie à peu près typique, a un trou noir géant au centre, un seul. Dans le reste de la galaxie, qu'elle soit elliptique ou spirale, etc., vous avez des dizaines de millions de trous noirs stellaires. Et puis, dans quelques-uns des amas globulaires, dans deux, trois ou peut-être quelques dizaines d'amas globulaires grand maximum, vous avez des trous noirs de masse intermédiaire. Donc quand même, la règle commune, c'est quand même les trous noirs stellaires. Ça vous paraît beaucoup, plusieurs dizaines de millions de trous noirs stellaires, mais ça ne représente qu'un dix millième de l'ensemble des étoiles dans une galaxie. Et ça montre bien qu'il faut quand même des conditions extrêmes pour fabriquer un trou noir. Il faut qu'effectivement qu'un cœur d'étoile dépasse la masse critique et on estime qu'il y a peut-être une étoile sur 10 000 capable effectivement d'engendrer un trou noir. On sait que les stades terminaux de l'évolution des étoiles, en général, ça forme soit des naines blanches, si les masses d'étoiles ne dépassent pas initialement 8 à 9 fois la masse solaire. Et puis entre 9 masses solaires et à peu près 40 fois la masse du Soleil, c'est censé former des étoiles à neutrons. Détectable, donc sous forme de pulsars. Après, il faut que les étoiles aient des masses initiales supérieures à 40 masses solaires pour avoir la possibilité de développer un cœur qui va s'effondrer pour former un trou noir stellaire. Et on estime que peut-être une étoile sur 10 000 seulement dépasse cette masse-là. Mais finalement, du coup, quand même, les trous noirs ne sont pas si rares que ça dans l'univers parce qu'on en trouve de plus en plus. Et on les observe. À partir du moment où on dit qu'il y a plusieurs dizaines de millions de trous noirs dans notre galaxie, sans compter les autres galaxies, on peut dire qu'il y a beaucoup de trous noirs dans l'univers. Mais cela dit, malgré tout, statistiquement, ce sont des objets rares. Donc ça veut dire que le trou noir astrophysique, statistiquement, le plus proche de nous, parce que souvent, évidemment, après, les gens se disent, mais alors, est-ce qu'un trou noir peut menacer le système solaire, etc., etc. Voilà. Ben, le trou noir astrophysique, c'est-à-dire stellaire le plus proche de nous, il est très vraisemblablement à plusieurs milliers d'années-lumière. Bon, on va en venir au gros sujet du moment. Là, ça va être la singularité. Parce que bon, ça représente une partie importante du livre, forcément. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir ? Alors, vous expliquez à plusieurs reprises dans vos livres, je dis vos livres parce qu'il y a deux tomes, mais en plus, vous en parlez aussi dans d'autres livres, que la relativité générale contient intrinsèquement des singularités, des grandeurs qui tendent vers l'infini. En particulier, il y a les premiers instants du Big Bang, où le tout premier instant, ben, on ne sait pas bien expliquer parce que c'est vraiment les limites de notre équation, et que c'est des sortes de trous dans la théorie. Et le centre des trous noirs fait aussi partie de cette catégorie. Et pire encore, dans ce cas-là, c'est qu'il se situe derrière derrière un horizon des événements qui fait qu'on ne peut même pas observer. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter déjà de base sur cette singularité ? Est-ce qu'il y en a toujours une ? Qu'est-ce qu'on sait ? Est-ce qu'on peut parler de savoir quelque chose ? Il faut savoir que déjà en mathématiques, on appelle une singularité, il y a des fonctions mathématiques qui présentent des singularités, c'est-à-dire essentiellement des infinis. Voilà. Transposé maintenant dans le domaine de la physique, puisque la physique s'exprime forcément par des équations mathématiques. Voilà. Et donc il peut y avoir également des singularités physiques. Alors c'est le cas de la plupart des théories physiques, même quasiment de toutes les théories physiques, et c'est notamment le cas de la relativité, relativité générale. Une singularité, c'est essentiellement en fait une singularité de courbure, c'est-à-dire c'est une zone de l'espace-temps où, suite par exemple à un effondrement gravitationnel, eh bien, la courbure devient infinie. Et si la courbure devient infinie, la singularité devient hors du champ de la physique. Non seulement la courbure devient infinie, mais les paramètres physiques qui peuvent être associés, par exemple la densité de matière, la température, l'énergie, etc., devient également infinie. Voilà. Alors il est clair que les physiciens détestent les singularités, tout simplement parce qu'elles échappent au champ de la physique. Entendu. Alors de deux choses l'une, hein. Soit les singularités sont une part intrinsèque des théories physiques, ou soit elles marquent leurs limites de validité. Alors, ça a été un grand débat. Dans les années 70, des théorèmes importants sur les singularités, sur l'occurrence de singularités en relativité générale, ont été démontrés, essentiellement par Stephen Hawking et Roger Penrose, qui ont démontré que dans les conditions typiques, soit de l'effondrement gravitationnel pour former un trou noir, il avait inévitablement une singularité de courbure, qui se formait. Alors ça peut être soit, comme je l'ai dit au début, une singularité de type ponctuel, ou soit une singularité de type annulaire, mais malgré tout, ce sont quand même des régions, des points de l'espace-temps où la courbure devient finie. Voilà. Également, même type de démonstration pour éventuellement une singularité qui se trouverait au tout début de l'expansion de l'univers, qui s'identifierait donc avec le Big Bang proprement dit. Voilà. Puis l'autre option, c'est de dire en fait, là on a extrapolé la théorie physique au maximum et au-delà de ce qu'elle peut réellement décrire. Et on se dit, si en fait on améliore la théorie, notamment en y introduisant la physique quantique, on devrait éliminer ces singularités qui ne seraient pas en fait physiquement pertinentes et marqueraient donc simplement la limitation des théories. La tendance aujourd'hui, c'est plutôt de penser cela. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on essaie de quantifier le champ de gravitation par ces théories nouvelles, donc qui vont au-delà, qui vont essayer d'incorporer, de marier un petit peu de force la relativité générale et la physique quantique. Et on a donc des variantes, théorie des corps, de gravité quantique à boucle, etc. Et dans toutes ces variantes-là, même si elles ne sont pas encore tout à fait théoriquement abouties, mais il y a quand même des pistes qui sont largement explorées, les singularités en tant que telles sont éliminées. Ça veut dire quoi ? On la remplace par quoi ? Ben, par exemple, la singularité du Big Bang ou la singularité du trou noir est remplacée par ce qu'on appelle le Big Bounce, c'est-à-dire un grand rebond. Donc, par exemple, vous prenez un effondrement gravitationnel, et bien à partir d'une certaine échelle quantique, qu'on appelle l'échelle de Planck, ou à peu près l'échelle de Planck, les lois de la physique quantique entrent en jeu, modifient les propriétés de la gravitation, peuvent éventuellement rendre la gravitation répulsive. Et donc, effectivement, l'espace-temps ne peut pas s'effondrer indéfiniment pour faire une singularité. Il rebondit. Et donc, il n'y a pas de singularité. Donc, le trou noir aurait une surface. Alors, du coup, si on imagine la formation d'un trou noir, la matière et l'énergie s'effondrent. Et puis, au lieu d'atteindre un nœud de courbure au centre du trou noir, ça rebondit. Mais est-ce que la matière et l'énergie qui rebondit, elle ne peut pas ressortir de l'horizon des événements? Donc tout ça reste caché. Alors c'est ça tout le problème après. Et après, c'est que ces événements-là ne peuvent être décrits que par des théories et difficilement expérimentables, parce que ça reste caché, ces choses-là. Aussi bien les singularités nues, enfin, les singularités à l'état pur ou ces petites modifications, ces suppressions de singularités avec rebond, ça reste caché derrière des horizons, les surfaces de trous noirs, qui sont des horizons des événements. Voilà un petit peu le statut des singularités aujourd'hui. On a plutôt tendance, la physique a plutôt tendance à vouloir les éliminer. Je dirais même, je raconte ça dans un autre livre consacré à l'infini, les singularités sont l'une des manifestations de l'infini, parmi d'autres, que finalement c'est un petit peu la tentative d'éliminer les singularités quand on regarde l'histoire des sciences. Il n'y a pas que les singularités en relativité générale, quasiment chaque théorie physique à un moment a une singularité. Et il y a eu un effort théorique considérable pour éliminer la singularité en améliorant la théorie. Et à chaque fois qu'on améliore la théorie, il y a des singularités imprévues qui réapparaissent, un petit peu comme le phénix qui renaît, la singularité, c'est le sort de phénix qui renaît constamment de ses cendres sous une autre forme. Et c'est finalement un des moteurs d'améliorer constamment les théories pour éliminer les singularités. Peut-être qu'on n'y arrive jamais, parce qu'à chaque fois qu'on trouve de nouvelles théories, il y a d'autres singularités auxquelles on n'avait pas pensé. Donc c'est un statut assez mystérieux, assez fascinant, le statut des singularités. On a quand même plutôt tendance aujourd'hui à penser qu'une vraie bonne théorie de la physique ne devrait pas avoir de singularité. Mais c'est peut-être le vœu pieux du physicien qui déteste qu'il y puisse y avoir des régions de l'espace-temps totalement inaccessibles à son entendement et à sa description, ce qui serait le cas des vraies singularités. Ou le mathématicien Jaoulou qui préfère garder l'infini dans son jardin à lui. Vous avez parlé donc beaucoup de prédictions théoriques comme les singularités sur les trottoirs, et donc ces prévisions ne sont pas observables. Donc j'imagine qu'il doit y avoir des choses sur les trottoirs qui ne seront pas observables, qui ne seront pas vérifiables. Est-ce qu'on fait vraiment encore de la science quand on parle de choses comme ça qui ne sont pas vérifiables? Ben là, on peut se questionner sur le statut épistémologique de certaines théories qui sont effectivement poussées tellement loin qu'il n'y a pas moyen de les vérifier ou de les réfuter, par exemple, selon les critères habituels, les critères dits popériens, etc. Mais il ne faut quand même pas oublier. Bon, d'abord, c'est un petit peu le boulot du physicien théoricien que d'extrapoler, premièrement. Hein? Bon. Abstraction quelques minutes des trous noirs, regardons l'histoire des sciences. Regardons juste ce qu'on appelle la révolution copernicienne. Le fait que la Terre tourne sur elle-même et tourne autour du Soleil, le double mouvement de la Terre. A priori, comme ça, quand on regarde un petit peu l'histoire des sciences, on croit que c'est quasiment acquis. Bon, on sait que Copernic a eu quelques difficultés, mais on se dit, bon, ça va, ok, avec Kepler, Galilée et Newton, c'est complètement acquis. Mais pas du tout. Expérimentalement, le double mouvement de la Terre a été montré après la mort de Newton. Hein, le fait d'abord que la Terre tourne autour du Soleil, c'est un phénomène qui a été enfin montré expérimentalement en 1727, l'année de la mort de Newton, donc carrément plus d'un siècle après Galilée et Kepler. Quant à la rotation de la Terre, hein, c'est la fameuse expérience du pendule de Foucault au milieu du 19e siècle, qui a enfin montré indubitablement, par une preuve expérimentale, que la Terre tournait sur elle-même. Donc on voit bien que si on s'en tenait aux purs critères, une théorie n'est valable que si elle est réfutable et falsifiable. D'ailleurs, Copernic, Kepler, Galilée, n'aurait pas jamais dû être pris au sérieux. Ce qui est d'ailleurs l'une des raisons du procès de Galilée. Ça veut dire que les contradicteurs de Galilée n'étaient pas forcément des hommes de religion totalement obtus qui refusaient de voir la vérité. Ils avaient une certaine pertinence en disant « mais vous ne nous apportez pas la preuve expérimentale ». Alors comme ça a heurté après les croyances religieuses de l'époque, du coup effectivement un procès de l'Inquisition. Mais c'est vrai qu'ils n'avaient pas les preuves expérimentales. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu pareil. Il y a un grand nombre de prédictions de la physique théorique. Alors certaines prédictions liées au trou noir, puis en cosmologie, les hypothèses multiverses, tout un ensemble de choses, les dimensions supplémentaires. Tout ça c'est fascinant, on n'a absolument aucune preuve expérimentale. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut s'arrêter de travailler, de bosser dessus? Ben surtout pas. Il faut continuer à travailler, puis surtout après essayer de trouver éventuellement des preuves indirectes. hein, des traces indirectes. C'est ce qu'on a fait pour les trous noirs. Hein. Au départ, la théorie relativiste des trous noirs s'est construite à la fin des années 30. Le premier calcul des fondements gravitationnels relativistes, c'était Oppenheimer, 1939, etc. Après, vraiment, la théorie mathématique, physico-mathématique des trous noirs s'est développée dans les années 60. Donc, c'est Hawking, Penrose, Carter, John Wheeler, surtout, et quelques autres. Mais à cette époque-là, il n'y avait strictement aucun statut expérimental des trous noirs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le statut expérimental des trous noirs a commencé à se profiler seulement à la fin des années 70, à partir du moment où on a commencé à être capable d'embarquer des télescopes à rayons X dans l'espace et à commencer à s'apercevoir qu'il y avait des phénomènes bizarres dans l'univers dont l'interprétation faisait très vraisemblablement appel à des trous noirs. Sinon, on se trouvait devant un grand vide, c'est-à-dire une absence d'autres explications plausibles. Alors, comme c'est important d'extrapoler, j'avais une petite question sur la toute fin du livre. Où vous parlez d'un univers trou noir. L'univers trou noir. Et encore, je ne vous parle pas de l'univers trou vert. Donc, c'est une idée selon laquelle tout l'univers serait en fait contenu dans un trou noir géant. Alors, bon, c'est une idée extrêmement intéressante. Ce qui m'a le plus étonné, en fait, dans cette idée-là, c'est que vous décrivez qu'elle n'est pas si farfelue et que même il y a oui, c'est plus qu'une idée. Hein. Enfin, ça repose sur un petit calcul, tout simplement. On s'aperçoit. Bon, vous savez, en fait, les conditions pour que une masse donnée se comporte comme un trou noir, il faut que cette masse soit confinée à l'intérieur d'un certain volume critique. Hein, voilà. Eh bien, on s'aperçoit que la masse estimée aujourd'hui de notre univers, disons, l'équivalent de quelques centaines de milliards de galaxies, hein, donc avec chaque galaxie, il y a à peu près 10 puissance 11 étoiles, donc ça fait une masse de l'ordre de 10 puissance 23 fois la masse du Soleil, enfin quelque chose comme ça. Eh bien, cette masse, elle est confinée dans un volume dit de l'univers observable, parce qu'on peut mesurer la taille, en mesurant les paramètres cosmologiques, la taille, pas de l'univers complet, mais au moins de l'univers observable, eh bien, elle est de l'ordre du rayon critique correspondant à la masse. Alors, on peut se poser la question, et les chercheurs dès les années 60 se sont posé la question, est-ce que notre univers ne pourrait pas être un trou noir ? Alors le problème pour ça, évidemment, il faudrait que ce soit un univers d'abord qui soit fermé, fini. Donc par exemple une hypersphère, et non pas un espace euclidien infini. Donc si l'univers est hypersphérique, eh bien on peut avoir un rayon de l'hypersphère de l'onde du rayon de Schwarzschild de la masse qu'il contient. Alors après, évidemment, ça pose des quantités de questions. Si c'est un trou noir, est-ce qu'il y a une sorte de méta-univers dans lequel ce trou noir est contenu ? Oui, et puis enfin, c'est pour ça que j'en parle maintenant, parce que... Et la singularité, elle est où alors, si l'univers est un trou noir ? Mais c'est le Big Bang. Ah, ce serait le Big Bang. Ce serait le Big Bang. Mais simplement, le Big Bang serait une singularité nue, c'est-à-dire on la verrait, elle ne s'est pas cachée derrière un horizon. Parce que si l'univers est un trou noir, on est dans le trou noir. Et donc, effectivement, la singularité ne nous est pas cachée, puisqu'on n'est pas à l'extérieur du trou noir. D'accord. Mais bon, c'est relativement peu étudié. Oui, et puis bon, je précise, j'ai précisé au début de la question, je le reprécise, c'est la fin du livre, c'est un peu une ouverture, c'est pas dans le gros des théories développées. Hein. Moi, j'avais une question sur ça, parce qu'à un moment, vous dites que quand vous êtes dans un trou noir, il n'y a pas de raison que la lumière n'entre pas, et donc on voit l'extérieur. Et donc, si l'univers était un trou noir, on verrait l'extérieur de l'univers, dans ce cas-là. Sauf que c'est les limites de l'univers observable. Je sais pas. Non, alors il est exact que une fois qu'on est à l'intérieur d'un trou noir, même si on est entraîné inéluctablement vers la singularité, on reçoit de l'information de l'univers extérieur. C'est-à-dire, en fait, la surface d'un trou noir, c'est une sorte de membrane unidirectionnelle. C'est-à-dire qu'on peut passer de l'extérieur à l'intérieur. Mais on ne peut pas passer de l'extérieur à l'intérieur, mais on ne peut pas passer de l'intérieur à l'extérieur. Donc ça veut dire que la membrane laisse passer l'information venant de l'extérieur. Et l'information, ça peut être tout simplement des rayons lumineux. Et donc on fait des calculs, et on a même fait des visualisations. J'ai un collègue qui s'appelle Alain Riazuelo, qui travaille à l'Institut d'Astrophysique de Paris, qui a fait des simulations d'ordinateurs extraordinaires où il calcule le paysage de l'espace-temps, soit dans le voisinage immédiat d'un trou noir, ou ça carrément à l'intérieur d'un trou noir. Et on voit bien qu'à l'intérieur d'un trou noir, on peut voir également, il y a des rayons lumineux qui parviennent de l'extérieur. Donc on voit une partie de l'univers extérieur. Alors maintenant, effectivement, donc, si notre univers lui-même était un trou noir plongé dans une sorte de méta-univers, on se dit, ben alors, on devrait voir, on pourrait voir peut-être de la matière venir de l'horizon cosmologique, qui correspondrait plus ou moins à l'horizon des événements d'un trou noir, ce qui n'est pas le cas. Ok. Pour finir, avant des questions d'auditeurs, on va parler un peu du titre du livre, Le destin de l'univers. Vous consacrez à la fin du... Le dernier chapitre est justement consacré à ce qu'on peut dire sur le futur. Oui. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, dans un peu tous les cas, le destin de l'univers paraît assez sombre. Pour faire un peu un résumé des choses les plus probables, ça se joue sur... comment évolue l'énergie sombre, c'est-à-dire si l'énergie sombre est constante, c'est le moins pire des cas, on se met petit à petit à ne plus voir les autres galaxies, à se retrouver tout seul au milieu de notre univers. Si on a une énergie sombre qui augmente, ben là on se dirige vers un Big Rip où l'extension de l'univers devient infinie et je ne sais pas trop ce qui se passe précisément, mais en tout cas ça n'a pas l'air très très joyeux. Et si l'énergie sombre diminue, on se retrouve dans le cas du Big Crunch où donc tout se resserre sur soi-même, etc. Alors c'est assez étonnant parce qu'on est passionné en lisant le bouquin sur plein de belles théories, d'imaginer parfois du voyage dans le temps, etc. Et puis on se retrouve à cette fin, finalement, avec une vision du futur extrêmement noire. Alors c'est quoi ? C'est du pessimisme ? C'est juste du réalisme ? Absolument pas. Il n'y a aucune notion de pessimisme, d'optimisme là-dedans. C'est simplement, nos modèles se veulent prédictifs, et à partir du moment où on a un modèle... Alors là, quand on parle maintenant du destin de l'univers dans son ensemble, bon, le titre général du bouquin, c'est le destin de l'univers. Alors, c'est le destin de l'univers et des objets qu'il contient. C'est pour ça qu'en fait, les trous noirs sont plutôt un des destins possibles de l'évolution des étoiles massives, donc une partie du contenu de l'univers ou des centres galactiques, etc. Après, il y a l'univers lui-même en tant que tel, et là, on rentre dans le domaine dit de la cosmologie. Et donc, on sait que l'univers est en expansion actuellement, cela s'observe, et donc la grande question, c'est de savoir, dans le futur, est-ce que cette expansion va se poursuivre à jamais, ou est-ce qu'un jour, ça peut s'inverser et aboutir à donner une contraction générale de l'univers et aboutir, comme on l'avait mentionné, à un Big Crunch. Donc, dans le cas d'un Big Crunch, ben, la fin de l'univers n'est pas si noire que ça, elle est au contraire éblouissante. C'est une sorte de retrouvaille du Big Bang initial, c'est-à-dire des conditions initiales de l'univers, etc. Voilà. Alors donc c'est une fin chaude, et puis qui n'est pas repoussée dans un passé infini, parce que ça se produirait dans un temps fini dans le futur, même si c'est plusieurs dizaines de milliards d'années. En revanche, dans le cas d'un univers dit ouvert, c'est-à-dire c'est une expansion perpétuelle. Voilà. Alors cette expansion perpétuelle, ça veut dire que l'univers se dilate perpétuellement, donc se dilue, et la densité d'énergie moyenne dans l'univers diminue, et ça veut dire que la température moyenne de l'univers, de cet univers ouvert, tend vers le zéro absolu. Alors il faut savoir que déjà aujourd'hui, la température moyenne de l'univers est mesurée, elle est de l'ordre de 2,7 degrés Kelvin dans l'échelle absolue de température, ça veut dire au moins 270 degrés Celsius, donc l'univers moyen déjà est aujourd'hui relativement froid. Mais il peut être beaucoup plus froid que ça, parce que tendre vers le zéro absolu, il faudrait un temps infini. Alors si en plus... La vitesse d'expansion de l'univers s'accélère, comme semble le suggérer des dernières mesures, avec notamment la présence d'une forme d'énergie, l'énergie sombre, dont je parlais au début, et qui accélère l'expansion de l'univers, eh bien le refroidissement est encore plus brutal et plus spectaculaire. Alors effectivement, dans le cas d'un univers ouvert, la fin est plutôt sombre, mais au sens strict du terme, pas au sens pessimiste. Hein. Ça veut dire effectivement une diminution de l'énergie, ça tend vers le zéro absolu, et ça veut dire que sur les périodes de temps extraordinairement grandes, ça veut dire que toutes les étoiles un jour vont finir par s'éteindre, et que la plupart des objets finiront par se transformer en trous noirs, finalement, des trous noirs de toute taille, y compris des trous noirs supergéants, etc. Et carrément, dans un temps pas infini, mais toujours extraordinairement grand, comme j'ai dit tout à l'heure, même les gros trous noirs pourraient, à leur tour, commencer à s'évaporer, soumis à des phénomènes quantiques. Donc, ce qui réalimenterait un petit peu en énergie, en un bain de photons issu de l'évaporation des trous noirs, l'univers extrêmement futur, mais au bout du compte, ça tendrait quand même vers le zéro absolu. Donc, il n'y a rien de pessimiste là-dedans, parce que de toute façon, c'est sur des échelles de temps. Oui. On peut mettre des chiffres dessus, mais qui sont absolument effarants. Il y a 10 puissance quelque chose, 70 années, c'est quelque chose d'absolument faramineux, ces échelles de temps. Donc ça ne concerne absolument pas les échelles humaines. Tout comme j'invite les auditeurs à lire le livre, dans le dernier chapitre, justement, vous faites l'exercice de préciser certains événements temporels dans le futur, dans 10 puissance 66 années, etc. Donc... Tu avais une dernière question. Moi, ça m'avait intrigué. Vous parlez. Donc, on a parlé tout à l'heure d'Interstellar et de cinéma. Vos livres, faut aussi, on se reconnaît ça parce qu'il y a beaucoup de citations à chaque, qui sont souvent issues de la littérature. Et vous avez même écrit plusieurs romans et recueils de poésie. Mmh. Est-ce que vous pensez que l'art, donc au sens large, et les sciences peuvent s'influencer mutuellement? Oui, bah oui, je me suis énormément intéressé sur ces interactions, ces cousinages un petit peu subtils de l'art et de la science, sans faire des amalgames non plus. Il est clair qu'il y a des points communs dans la création artistique et dans la création scientifique. On part forcément une sorte d'imaginaire, d'une intuition de quelque chose. Après, on l'élabore. Alors après, évidemment, on l'élabore différemment quand on élabore un modèle de la physique. Puis il faut obéir après aux lois de la consistance mathématique, etc. Et puis quand on élabore une œuvre d'art, ça obéit à d'autres critères. Mais il n'empêche qu'au départ, c'est un petit peu la même étincelle issue de l'imagination et de la créativité. Et alors après, ça c'est un premier aspect. Un autre aspect, c'est quand on regarde un petit peu l'histoire en parallèle des arts et des sciences, on voit bien que des domaines entiers de l'art, que ce soit en littérature, en poésie, où j'ai écrit un livre entier là-dessus, qui s'appelle « Les poètes et l'univers », où je montre comment les connaissances astronomiques d'une époque, ou la méconnaissance, influent en fait la façon dont les poètes peuvent parler de l'univers. Il y a des influences très nettes, hein. Au moment par exemple de la révolution copernicienne et galiléenne, il y a un changement de climat dans la littérature de l'époque, enfin, en tout cas chez les écrivains et les poètes qui s'intéressent à cet aspect-là des choses et qui décrivent l'univers. C'est un choc culturel tel que ça ne peut pas ne pas se retrouver. Et c'est pareil quand vous regardez la peinture également. Et donc il est normal que les formes d'expression artistique soient influencées par la révolution scientifique. Quand on regarde le XXe siècle, il est clair que certains mouvements artistiques du XXe siècle, le futurisme, le cubisme, etc., etc., ont été en partie influencés par les révolutions relativistes et quantiques. La question peut-être plus intéressante mais plus difficile, c'est à l'inverse. Est-ce que effectivement certains développements artistiques peuvent influer sur le développement de modèles scientifiques? Enfin, pas vraiment. Disons que c'est plutôt un climat général. Bon, je peux en parler parce que moi-même j'ai aussi eu beaucoup d'activités artistiques. J'ai pratiqué la musique, la peinture, etc., etc., outre la littérature et la poésie. Et on peut se demander, chez un individu qui pratique en même temps finalement la science et l'art, est-ce que c'est perméable? Est-ce qu'il y a des influences? Les influences, elles sont plutôt un peu à sens unique, hein. C'est plutôt les influences de la science vers l'art. En revanche, je pense que pratiquer l'art, ou simplement être amateur d'art, sans avoir besoin de la pratiquer, vous savez qu'il y a beaucoup de chercheurs qui sont une bonne culture artistique, qui sont soit des mélomanes, amateurs de peinture, ils vont dans les musées, etc. Ça veut dire que ça baigne dans une sorte de climat esthétique. On aime l'esthétique. Et Dieu sait si l'esthétique, elle joue un rôle fondamental dans l'élaboration des théories scientifiques. Voilà. Et notamment en physique fondamentale, en physique théorique, bon, les chercheurs se sont exprimés là-dessus. Penrose, dont on a parlé plusieurs fois, lui, carrément, il va jusqu'à dire que les théories physiques ont plus de chances d'être justes lorsqu'elles sont décrites par des équations et des mathématiques élégantes. Donc c'est une sorte de pari extraordinaire sur une esthétique de la physique elle-même. Il faut que la façon d'exprimer cette esthétique par les formules mathématiques soit d'une certaine façon élégante pour que ça marche. C'est un pari extraordinaire qui pour l'instant marche pas si mal, donc c'est quand même assez troublant et c'est une question un peu de nature philosophique. L'efficacité des mathématiques. Exactement cela. On va passer aux questions d'auditeurs. Du coup, on a eu beaucoup de questions sur plein de sujets. Bon, d'abord, on a vu à plusieurs reprises qu'il y a quand même pas mal de preuves d'existence des trous noirs. Et alors, pourtant, on a entendu récemment Stephen Hawking qui a remis en cause l'existence des trous noirs, ou même Laura Merinci Hungton qui est une chercheuse en physique théorique de l'Université de Californie du Nord, de Chapel Hill. Ça, c'est Alan, notre cher ami suisse, qui a créé le podcast, qui dit ça, qui disait détenir la preuve que les trous noirs n'existent pas. Est-ce que vous pensez quelque chose de ces personnes qui parfois, en particulier Hawking, qui ont un peu été à l'origine des idées? On peut pas avoir un peu... Bon, dans un modèle scientifique, il n'y a pas de consensus total. Hein, alors, il y a toujours des chercheurs qui remettent en cause le paradigme, et c'est une très bonne chose. Voilà. Alors après, il faut après voir le degré de sérieux de ces remises en cause. Moi, j'ai tendance à penser que le statut expérimental des trous noirs, et le sens du théorique d'une part, et le expérimental des trous noirs, est devenu suffisamment solide pour qu'il n'y ait pas d'alternative viable et convaincante. Voilà. Donc, par exemple, l'alternative proposée par Laura Mercini, Houghton, etc., je ne peux pas l'expliquer à l'antenne, mais réellement, ça ne tient pas la route un seul instant. Enfin, quand on regarde un petit peu en détail les choses. Bon, alors maintenant, évidemment, on prend un peu plus au sérieux Hawking, compte tenu effectivement de son statut et toutes les contributions extraordinaires qu'il a apportées. Alors aussi, il faut évidemment faire la différence entre ce qu'il a dit, ce qu'il a voulu. Alors, entre trois choses, entre ce qu'il voulait dire, ce qu'il a dit réellement et la façon après dont c'est répercuté dans les médias. Voilà. Et donc, voilà. Donc, on se retrouve avec l'histoire, donc finalement, les trous noirs n'existent pas. Ça, c'est la façon dont c'est répercuté dans les médias. Après, il y a le caractère spécial de Hawking que je connais bien. Hein, son côté un petit peu émettre effectivement des déclarations un petit peu fracassantes qui semblent un peu contradictoires, mais avec une bonne dose d'humour derrière. Non, c'est parce qu'effectivement, comme je l'ai dit tout au début, je ne sais pas si les auditeurs s'en souviendront, il y a le problème de l'information, le débat entre l'information dans un trou noir, est-ce qu'elle est totalement récupérée ou pas lorsque le trou noir s'évapore, et ainsi de suite. Voilà. Donc les physiciens quantiques ont élaboré des modèles qui ont un petit peu déstabilisé les prises de position initiales de Stephen Hawking, et c'est un petit peu à moitié pour avouer une relative défaite théorique que finalement il a dit, mais alors si c'est comme ça, les trous noirs n'existent pas vraiment, parce que c'est pas dire ce qui n'existe pas, ce qui veut dire c'est les trous noirs tels que lui les imaginait au départ, c'est-à-dire des trous noirs finalement relativement classiques et pas quantiques. Je crois que ça va pas plus loin que cela, cette déclaration. Maintenant, je répète, le débat lui-même, le débat réellement théorique, qui est très technique, il est extrêmement profond, il est extrêmement intéressant. Voilà. Alors après, le trou noir, parce que donc les physiciens quantiques ont émis l'hypothèse, j'y crois pas trop non plus, mais enfin bon, c'est pas parce que j'y crois pas que c'est pas bon, hein, que les trous noirs sont entourés d'une sorte de mur de feu, on appelle ça un firewall, pour avoir des effets de phénomènes quantiques, et que donc en fait, ce mur de feu empêcherait que l'on puisse rentrer dans un trou noir. Donc, d'une certaine façon, si on ne peut pas y rentrer, c'est comme si, d'une certaine façon, les trous noirs n'existent pas en tant que, justement, des objets avec un horizon des événements dans lesquels on pourrait rentrer. Donc, c'est en ce sens-là que Hawking a dit les trous noirs n'existent peut-être pas. Hein, c'est le trou noir simple avec son horizon des événements sans mur de feu. Voilà. Donc, le statut des fireballs est discuté. À mon avis, et je ne suis pas le seul évidemment à partager cet avis, c'est que ces murs de feu qui sont prédits sont plausibles uniquement, puisque c'est un phénomène quantique, ils sont plausibles pour les trous noirs quantiques, mais pas pour les trous noirs astrophysiques. Donc il n'y a pas de murs de feu pour les trous noirs astrophysiques. Bon, après on a une question de superoxyde. Alors, tous nos auditeurs ont des pseudos, bien sûr, qui en parlant de la fin de l'univers se demandait si l'entropie diminuerait du coup avec ces histoires. Bon, si l'univers on le considère comme un univers unique, un système isolé, l'entropie augmente puisque c'est une perte d'information. Ces questions sont compliquées à répondre. Très extrêmement compliquées à répondre comme ça. Ok. Ah, ouais. Il n'y a pas de problème. De toute façon, on retransmet, mais vous pouvez. On préfère même quand on dit c'est trop compliqué à répondre pour justement pas faire du grand média là-dessus. Bon, mais on va retenter une question de superoxyde, mais qui a l'air compliquée aussi. Que penser des hypothèses exposées par Lawrence Krauss sur un univers créé à partir de rien ? Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Moi, ça ne me dit rien. Le nom lui-même ne me dit rien, mais l'univers créé à partir de rien, ça veut dire quoi ? L'univers créé à partir du vide quantique, par exemple ? Ça dépend ce qu'on appelle le rien. Alors sinon, l'univers créé à partir de rien, on va dans les cosmogonies primitives, on sait aujourd'hui qu'il existe des champs d'énergie d'origine quantique, et notamment le vide. En physique classique, on appelait ça le rien. Si vous prenez une boîte, vous enlevez tout dans la boîte. C'est-à-dire vous faites le vide, vous enlevez les atomes, les champs de force, etc. Vous faites le vide. Si vous décrivez ce processus-là dans la physique classique, normale, il ne reste rien. Bon, voilà. Donc, ce n'est pas intéressant parce que vous ne pouvez rien faire avec rien. En revanche, la meilleure façon de décrire ce processus, c'est la physique quantique. Et la physique quantique, grâce au principe d'incertitude, dit que, irréductiblement, vous avez beau enlever les atomes, les molécules, les champs de force et particules élémentaires, il restera irréductiblement quelque chose qui est l'énergie à son niveau fondamental, mais qui n'est pas nulle, c'est l'énergie du vide. Et cette énergie du vide a des propriétés absolument fascinantes, notamment... Comment ? Qui ont été mesurées en particulier ? Enfin, oui, alors elle a été réellement mise, c'est pas une utopie purement mathématique, non, ça a mis en évidence au laboratoire, bien entendu. Que... Voilà. Et donc elle possède des propriétés absolument fascinantes, potentiellement génératrices, une fluctuation d'énergie potentiellement génératrice de matière, et voir quand on fait l'hypothèse que le Big Bang lui-même, on va plutôt le remplacer par un état... par un état quantique, on imagine un état initial dominé par l'énergie du vide, et on se dit qu'une fluctuation de l'énergie du vide peut engendrer carrément une matière espace-temps, c'est-à-dire un univers. Voilà. Donc c'est en ce sens-là, donc il y a réellement des théories de cosmologie quantique qui disent que notre univers s'est formé à partir de l'énergie du vide. Alors si c'est ça le rien, moi je veux bien, hein. En fait, le rien défini comme ça, c'est plutôt potentiellement le tout. Oui. D'accord. Une question beaucoup plus simple de Mout, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé. Quand on parle de trou noir, est-ce que ça désigne la singularité, le point ou le volume contenu dans l'horizon ? Ah, très important comme question. Voilà. Pendant très longtemps, il y a la confusion entre le trou noir et la singularité. Et donc, il y en a qui disaient, le trou noir, ça ne peut pas exister parce qu'une singularité, c'est absurde. Mais non, j'ai expliqué que ce qu'on appelle le trou noir, ce n'est pas la singularité, c'est l'horizon qui se forme. C'est-à-dire, dans un processus, vous avez une zone de l'espace-temps qui se forme. Et à partir de ce moment-là où cette zone est formée, qui est une zone de non-retour, vous avez le trou noir qui est formé. Après, ce qui peut se passer après, qu'il y ait une singularité ou pas, ça n'altère pas le fait que vous avez, vu de l'extérieur, vous avez un objet qu'on va appeler trou noir. C'est-à-dire avec toutes les propriétés caractéristiques des trous noirs. Donc le trou noir, c'est l'intérieur d'une zone délimitée par un horizon des événements. Donc c'est un volume, c'est pas une singularité. Oui. Ah, mais c'est pour ça que je précise. Et c'est une sphère d'ailleurs. On a eu des questions aussi sur ça. C'est une sphère aussi. On a eu des questions sur ça. Oui, alors si le trou noir est statique et ne tourne pas, c'est une sphère. Mais il se trouve que les trous noirs normalement tournent, puisque les objets tournent dans l'univers. Et donc, comme les objets qui tournent, il y a l'équivalent de force centrifuge, même si c'est une vision un peu classique de Newtonienne, mais enfin bon, qui aplatit légèrement le trou noir le long de son axe de rotation. Et donc, les trous noirs dits de Kerr, qui sont les trous noirs en rotation, la forme de la surface, donc l'horizon des événements, est légèrement aplatie au pôle. Donc, c'est plutôt un ellipsoïde. D'accord. Du coup, c'était une erreur dans Interstellar où il était joliment sphérique, alors qu'il était censé tourner Dans Interstellar, il est censé tourner à une vitesse très proche de la vitesse critique, parce qu'effectivement, on ne peut pas avoir un trou noir en tournant arbitrairement vite. Il y a une vitesse de rotation critique, correspondant à peu près à la vitesse de rotation, à la vitesse de la lumière à la surface de l'horizon, que non, évidemment, on ne peut pas atteindre, et encore moins dépasser. Et donc, ces trous noirs sont aplatis. D'accord. Toujours le même superoxyde a fait une remarque, mais qui va me permettre de vous poser une petite question sur une partie pas très développée dans le livre, mais assez amusante. Il dit qu'il y a un mini trou noir dans l'étoile noire de Star Wars et que c'est le seul moyen d'accumuler assez d'énergie pour exploser une planète rapidement. Pourquoi je cite ça aussi ? C'est parce qu'il y a une partie dans le livre où vous expliquez de faire des machines avec des trous noirs, de récupérer de l'énergie, etc. Oui, oui. Ça, c'est un peu le rêve d'une presque énergie infinie, comme c'est décrit. Ben oui, donc les trous noirs sont non seulement des puits d'information, mais également des puits d'énergie. Alors, il y a une partie de l'énergie stockée dans un trou noir qui normalement est irréductible, c'est-à-dire ne peut pas être extraite, sauf par des processus quantiques. Et puis, il y a une partie qui éventuellement peut être récupérable, c'est l'énergie rotationnelle. J'ai dit qu'un trou noir qui tourne a une partie de son énergie sous forme d'énergie rotationnelle. Et on a imaginé des processus, et notamment Penrose, dont on a déjà parlé plusieurs fois, a imaginé un processus qui permettrait artificiellement d'extraire progressivement l'énergie de rotation d'un trou noir et avoir une source d'énergie quasiment inépuisable. Oui, et cette histoire de trou noir au centre de l'étoile noire, c'est Roland Le Houk, donc avec qui vous avez travaillé, qui développe ça lorsqu'il... Ah oui, mais Roland s'intéresse énormément, effectivement, à tous les, voilà, les rapports entre nos théories physiques et puis ce qu'on trouve dans la science-fiction et dans les bandes dessinées. Il fait un travail absolument remarquable, justement, parce que ça permet aussi d'accrocher l'attention de tout un public qui peut-être pourrait être rebuté quand on attaque directement la physique. Alors, tant qu'on est dans la fiction, il y a Ewi qui pose une question. Est-ce que c'est un trou noir qui est créé dans Contact ? Je crois que c'est un trou noir. J'ai pas compris. Est-ce que c'est un trou noir qui est créé dans Contact ? Le film Contact. Oui, si je me souviens bien, ça fait longtemps. Il semblait que c'était un trou noir. Mais effectivement, alors, j'étais allé voir le film. En fait, déjà dans Contact, il y avait l'idée d'utiliser des trous de verre, parce que l'idée dans Contact, c'était pour établir un contact qui normalement serait interdit dans les conditions normales. Et en fait, initialement, avant le film Contact, c'est un livre, hein, c'est un roman de Carl Sagan, hein, avant que ce soit adapté à l'écran par Zemeckis. Et déjà dans le livre, Carl Sagan, qui lui était plutôt un planétologue, hein, il ne connaissait pas les détails, les subtilités de la relativité générale, il avait déjà demandé conseil à Gibson. Et Gibson lui avait dit, y a une possibilité théorique, c'est précisément les trous de verre. Voilà. D'ailleurs, c'est à partir de là qu'après, Gibson a commencé réellement à s'intéresser davantage aux trous de verre et à essayer de montrer qu'il pouvait y avoir éventuellement des trous de verre stabilisés par des formes d'énergie négative, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Une question sur... on a parlé du problème du firewall. Il y avait dans le même ordre d'idée sur... qu'est-ce que vous pensez de l'hypothèse holographique du trou noir ? Donc, si je ne dis pas de bêtises, qu'on considère à dire que sur la surface du trou noir, il y aurait toute l'information sur tout l'univers, etc. Alors, j'en pense du bien pour les trous noirs et j'en pense pas du bien pour son application à la cosmologie. Voilà. Non, c'est une jolie idée, le principe holographique. C'est l'idée qu'en fait, toute l'information contenue dans un volume est en fait, peut être extraite à partir de la surface qui limite ce volume. Bon. Donc, au lieu d'avoir répartie en 3D, elle est quelque part distribuée en deux dimensions. Cette idée qui vient en partie de la théorie des cordes, elle est appliquée au trou noir. Elle fournit l'idée intéressante que finalement, toute l'information contenue dans un trou noir est d'une certaine façon... sur l'horizon des événements. Et ça a permis de faire des calculs d'entropie d'un trou noir, l'entropie donc liée effectivement à la quantité d'informations, et de montrer, mais par un vrai calcul et non pas par une simple analogie comme ça avait été fait initialement par Stephen Hawking et quelques autres dans les années 70-80, que l'entropie d'un trou noir est liée par une formule mathématique, en fait physico-mathématique, à l'air, c'est-à-dire enfin à la surface, donc à l'air de la surface d'un trou noir. Et donc, pour ça, on fait un calcul un petit peu quantique, on décompose la surface d'un trou noir en unités extrêmement petites, de l'ordre de l'air de Planck, en unités quantiques, et il faut 4 unités pour faire un bit d'information. Et après, on fait le calcul de l'entropie complète d'un trou noir, et on retrouve une formule qui avait été imaginé initialement de façon un peu intuitive par Hawking et Bekenstein dans les années 70. Mais là, on la retrouve par une sorte de véritable calcul grâce au principe holographique. Voilà. En revanche, à l'échelle de l'univers, l'idée que l'information totale contenue dans l'univers puisse se retrouver sur une sorte de frontière ou d'horizon lié à notre univers... Ça ne marche que dans un cas extraordinairement particulier, qui est un modèle d'univers qui n'a aucune chance, ça s'appelle le modèle anti-Deucytère, à 5 dimensions en plus, et ça ne s'applique absolument pas à l'univers dans lequel nous pensons nous trouver. Je suis en train de préparer un gros papier de revue qu'on m'a demandé. D'accord. Là-dessus, sur le principe holographique. Donc vous pourrez en savoir plus. Voilà. À cette occasion. Une question, alors vous ne répondez pas si c'est indiscret, hein, mais je trouve qu'elle est intéressante à poser à quelqu'un qui fait un livre qui s'appelle Le Destin de l'Univers et qui nous parle aussi des origines. Quelle est votre position vis-à-vis de la religion ? Êtes-vous croyant ? Est-ce que ça a un intérêt de poser cette question? Ben, ça a toujours un intérêt de poser la question, bien entendu. Moi, non, je ne suis pas croyant. J'ai pu l'être un moment, ne serait-ce que par mon éducation. Vous savez, souvent, les formes de croyances, elles sont aussi culturelles, habituelles, etc. On est dans un milieu et on est imprégné de ce milieu-là. Et à mesure, je me suis détaché. Alors, je ne dirais pas que c'est pas ma pratique scientifique, forcément, qui m'a détaché de ça. Bon, j'ai adopté une philosophie matérialiste, une philosophie athée. Mais je conçois absolument que l'on puisse avoir d'autres approches et d'autres... voilà. Mais j'aime pas trop, en revanche, que l'on mélange, comme le font certains. Voilà. Vous voulez écrire un bouquin de physique et vous mettez Dieu dans le titre, vous êtes sûr de vendre 10 fois plus d'exemplaires ou 100 fois plus d'exemplaires que mon destin de l'univers. Voilà, simplement parce que vous semblez aborder cette question-là. Voilà. Moi, j'ai la position, je pense que normalement, je veux dire, c'est pas la même fonction. Ça n'a pas du tout la même fonction. La science et la religion. La religion, c'est un acte de foi. La science, ce n'est pas un acte de foi. C'est une construction, une remise en cause permanente. Donc, il n'y a pas de dogme. Il y a des consensus qui évoluent au cours de l'histoire. Et il faut être prêt à abandonner la croyance, entre guillemets, en un modèle scientifique, même si on a travaillé 30 ans dessus, dès lors qu'il y a une expérience qui va l'invalider. Il faut l'abandonner. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la religion. Donc, il vaut mieux séparer les choses. Et dans l'histoire, voilà, je pense que les positions les plus pertinentes sont celles de personnes qui ont su réellement bien séparer les choses, comme ce fut le cas avec Georges Lemaître, sur lequel j'ai beaucoup écrit par ailleurs, hein, qui est carrément l'inventeur réellement de la théorie du Big Bang moderne, et qui par ailleurs était religieux, c'était un homme de religion, il était prêtre, mais il ne mélangeait absolument pas les choses. Alors qu'au contraire, d'autres veulent absolument soit étayer leurs croyances religieuses par leur religion, ou soit, à l'inverse, à l'opposé, étayer leurs croyances matérialistes par la science. Mais en fait, la science ne dit, je pense qu'elle ne dit rien. D'accord. On a une question de Jepif qui peut paraître amusante, mais qui, à mon avis, n'est pas anodine, parce que vous en parlez aussi un peu dans le livre. Si je veux faire un trou noir dans mon jardin, il me faut quoi? Si je veux faire un trou noir dans mon jardin. Quand je dis qu'elle n'est pas anodine, c'est que vous parlez un peu de... On commence à essayer d'envisager... Alors, il faut mettre le grand accélérateur de particules du CERN, ouais, dans le jardin, en grand jardin, donc à 27, ouais, km de circonférence, pas mal de techniques et pas mal de moyens. Ça tombe bien d'être solitaire en Suisse. Et d'autre part, voilà, donc il vaut mieux avoir un jardin près de la Suisse. Et d'une part, et d'autre part, il vaut mieux être dans un univers avec des dimensions supplémentaires, parce qu'on s'aperçoit que... Même avec les énergies énormes développées dans le collisionneur du CERN, dans les théories normales, relativité générale classique, etc., on est incroyablement loin de développer des énergies suffisantes pour créer artificiellement des trous noirs. Je parle là évidemment de micro-trous noirs, hein. Je ne parle pas évidemment de trous noirs stellaires. Voilà. La seule possibilité théorique, ce serait de se trouver dans un modèle très spécial de la théorie des cordes, c'est-à-dire avec un certain nombre de dimensions supplémentaires de l'espace, et en plus que la taille de ces dimensions supplémentaires soit ajustée de façon extraordinairement improbable. Malheureusement, parce que ce serait quand même chouette de pouvoir créer artificiellement des trous noirs au labo, parce qu'on pourrait les étudier, du coup. Mais non. Donc de l'état actuel de nos connaissances, a priori, on ne verra pas de trous noirs fabriqués artificiellement de notre vivant. Non. D'accord. Et on finit donc par une question de Irène. Donc comment et depuis quand vous êtes intéressé à la physique? Est-ce que vous avez des parents scientifiques ou est-ce que c'est venu... Non, pas du tout. Mes parents n'étaient pas du tout des scientifiques. Et a priori, je ne me destinais pas non plus particulièrement à cela. Quand j'étais jeune, adolescent, etc., je m'intéressais peut-être plus à la musique, à la littérature, à la peinture, à la poésie, etc. Et simplement, bon, j'étais bon en maths, donc j'ai suivi une filière scientifique tout naturellement. Et ce qui est assez tardivement, je n'avais pas le goût de la physique, hein. Je le dis tout net, je n'avais pas le goût de la physique. Pas parce que la physique est chiante, mais parce qu'elle est enseignée de manière ennuyeuse. En général. Bon, j'espère qu'il y a peut-être des profs de physique qui nous écoutent et qui ne vont pas être d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, le fait qu'ils écoutent le podcast, ça veut dire que ce sont de bons professeurs de physique, hein. Voilà. Mais moi, je me souviens, la physique nous était enseignée de façon ennuyeuse. Je l'ai bien vu après, quand j'ai mes enfants, je voyais également qu'ils m'apportaient leurs devoirs de physique. Je me disais, mon pauvre, on se retrouve exactement dans la même situation que moi. Je détestais la physique. Donc, j'adorais les maths, en revanche. Et ce n'est que très très tardivement, à l'issue d'une maîtrise de mathématiques, que grâce à des livres de vulgarisation et pas des cours de physique, je me suis aperçu de la magie que pouvait représenter. On avait un outil magique, les mathématiques, pour aborder après des grands problèmes fondamentaux de la physique. Donc voilà mon parcours. Hein. Initialement, je ne me destinais pas à devenir un chercheur scientifique. Je pensais peut-être à devenir musicien, écrivain ou je ne sais quoi. Et puis j'ai découvert finalement qu'il y avait une forme de créativité extraordinaire qui également était permise par la recherche en physique fondamentale. On avait un bel outil, les mathématiques, et cet outil, on l'utilise après pour faire de la belle physique. Et si on changeait un petit peu l'enseignement de la physique, si déjà on mettait un peu plus d'astrophysique et ce genre de choses dans les cours de physique au lycée, etc., je pense qu'il y aurait beaucoup plus de jeunes qui s'orienteraient peut-être vers des carrières de la recherche scientifique. Et comme vous avez lancé sur les vulgarisations qui vous ont intéressé, tout, peut-être un ou deux livres qui vous ont particulièrement marqué, ou même récemment? Les livres de vulgarisation, d'abord, il y a le livre originel qui, moi, m'a converti au métier. C'est un livre aujourd'hui qui est évidemment un petit peu oublié. Hein. C'est un livre qui avait été écrit dans les années 70 par un astronome qui s'appelait Jean Edman, que après j'ai rencontré d'ailleurs à l'Observatoire de Paris quand j'y suis allé. Et c'était un livre qui parlait de cosmologie, un petit peu de trous noirs, etc., etc. Voilà, de façon vulgarisée, mais quand même assez solide, avec un petit peu des équations simples. Donc ce livre m'avait absolument... Et je pense que c'est un petit peu le rôle de la vulgarisation. Moi, je suis extrêmement content lorsque, et ça arrive de plus en plus, il y a des jeunes... astrophysiciens qui viennent d'avoir un poste, quelque chose comme ça, qui éventuellement viennent me trouver, surtout quand j'étais à Meudon, maintenant à Marseille, je suis un peu plus isolé, et me disent, en fait, c'est parce que j'ai lu votre livre sur les trous noirs de 1987, quand j'étais adolescent, etc., que j'ai eu envie de continuer, et voilà. Et ça sert à ça aussi, la vulgarisation. Alors moi, j'ai écrit beaucoup de livres de vulgarisation. J'ai écrit une bonne quinzaine de livres de vulgarisation, en plus après de mes romans, etc., etc. C'est à la fois parce que j'ai la passion de communiquer, d'expliquer les choses compliquées que l'on fait, et parce que je pense que c'est réellement un très bon moyen d'attirer une petite partie des jeunes intéressés par ça, sur les mystères et la magie de la physique. Ok. Bon, moi, j'ai enfin l'explication de pourquoi c'est vous qui m'avez le premier intéressé à l'astrophysique. Ah, ben d'accord. C'est parce qu'à la base, vous êtes un matheux comme moi qui était fâché avec la physique comme moi. Parce que Robin, quand on est allé au CERN, n'est pas venu parce qu'il ne voyait pas l'intérêt. Alors. Non. Ça, c'est pour la légende. Je suis assez ravi d'entendre ce que vous dites là-dessus. Mais alors, du coup, si je peux me permettre une question encore... Vous avez, vous en avez un petit peu parlé, mais du coup, ça pose toute la question. Je trouve, on fait des belles mathématiques pour de la belle physique, et le rapport, le rapport au réel, c'est un débat qu'on n'aura jamais fini, etc. Vous avez parlé des singularités où on s'en sort jamais, on en récupère tout le temps, mais du coup, votre position par rapport à effectivement le lien entre les théories mathématiques et qui pourrait exister, disons, à quel niveau, disons, vous considérez que ça commence à devenir des... Il y a une phrase qui existe, pardon, je vais dire un truc précis, comme ça sera plus simple. Il y a une phrase que j'ai entendue, fait une citation de je ne sais plus qui, j'ai pas réussi à retrouver, qui dit « Le Big Bang n'est pas une grosse explosion, mais la limite de nos équations », qui résume assez bien l'idée. Quelle position vous avez sur ce genre de choses ? Il est certain que le Big Bang n'est pas une grosse explosion, puisque, comme je le rappelle dans d'autres bouquins, le terme a été effectivement donné par dérision pour se moquer de l'idée que notre univers puisse éventuellement être né d'une grande explosion, ce qui n'était pas du tout dans l'idée originale de Lemaître et de Friedman, qui sont effectivement les fondateurs de la cosmologie moderne. Maintenant, le fait que ce soit une limite de nos équations, j'ai essayé de le dire à un certain moment, mais je ne l'ai pas vraiment développé, la tendance aujourd'hui, c'est plutôt de penser cela, c'est-à-dire que le Big Bang, mais le Big Bang en tant que singularité, j'entends, hein, parce qu'il faut voir aussi ce que l'on met derrière le mot Big Bang. Quand aujourd'hui on parle du Big Bang, on parle du modèle standard du Big Bang, c'est en fait le modèle complet de l'évolution de l'univers à partir d'une configuration initiale stricto sensu encore mal comprise, mais au bout de quelques milliardièmes de seconde, en admettant qu'on puisse mettre le temps zéro à ce fameux Big Bang, au bout de quelques milliardièmes de seconde, on a une bonne physique pour décrire ça. Et après, tout le reste marche assez bien jusqu'à la description de l'univers d'aujourd'hui et éventuellement l'univers de demain. Maintenant, y a-t-il vraiment un début absolu de cela, en temps zéro? Comme je l'ai dit, en fait, le Big Bang en tant que singularité, c'est une extrapolation de la relativité générale. Et tous les efforts théoriques d'aujourd'hui, qui consistent à faire des théories de gravitation quantique, c'est de se débarrasser de cet infini et de cette singularité. Donc en ce sens-là, le Big Bang en tant que singularité serait effectivement une limite de nos équations. Mais en revanche, le récit, ce qu'on appelle le récit du Big Bang, ce que l'on peut tirer à partir de, disons, de la formation du boson de Higgs au bout d'un 10 milliardième de seconde dans l'histoire cosmique jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui commence à devenir quand même assez costaud et assez solide, parce que étayé expérimentalement par tout un arsenal d'expériences et de mesures et d'observations. D'accord. Bon, si je comprends bien, c'est un peu comme ce que vous disiez sur le trou noir entre l'horizon de ce qu'on ne voit plus et la singularité. Oui, d'une certaine façon. Bon, bah, très bien. Avant de passer à la citation, et Dieu sait qu'on a un spécialiste en citation ce soir, on va juste... Oui, j'ai émaillé mon bouquin de beaucoup, beaucoup de citations. À chaque chapitre, au moins, il y en a une, et parfois plus. On va juste parler rapidement du pitch de la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on reçoit Nicolas Grandjean. Donc, c'est toujours un plaisir de recevoir Nicolas Grandjean, notre spécialiste de tout ce qui brille et qui tient dans la poche. Parce que là, ce soir, on a parlé de choses qui parfois brillent, mais qui ne tiennent pas vraiment dans la poche. Donc, après qu'il soit venu pour parler de l'aide blanche dans l'épisode 157 du dernier prix Nobel de physique dans l'épisode 192, cette semaine on va parler des lasers à semi-conducteurs. Ça sert à lire les CD-ROM, si quelqu'un utilise encore ça, à scanner les documents papier. Bon, ok, on va essayer de trouver une application un peu plus récente. Ça sert aussi à déclencher automatiquement les toilettes quand vous avez fini, par exemple. Voilà, pour des applications récentes. Bref, ces lasers sont devenus maintenant indispensables pour beaucoup d'applications. Et donc, Nicolas Grandjean va nous raconter leur histoire, leur fonctionnement et leurs applications avec, promis, plein de meilleurs exemples que ceux qu'on vient de donner là. Donc, venez la semaine prochaine nous écouter. Et du coup, on passe à la citation. Oui, alors juste un mot avant de dire cette citation, c'est parce que bon, quand on travaille comme moi et beaucoup tous mes collègues sur ces théories, les trous noirs, la relativité générale, la physique quantique, gravité quasi-quantique, on reçoit une inondée en permanence de courriers de gens passionnés, puis de gens ce qu'on appelle des amateurs. Alors une partie ce sont des ingénieurs à la retraite, ou une autre partie c'est des gens qui sont passionnés par ça et qui s'imaginent avoir la clé, en fait, la solution de tous les problèmes sur lesquels on bute. Et certains d'entre eux nous disent, mais en fait vous racontez que des bêtises depuis un instant, en fait vous vous trompez depuis le début, il y a une erreur fondamentale avec la relativité, donc forcément du coup les trous noirs n'existent pas, le Big Bang n'existe pas. Voilà, ce qui m'a fait mettre en fait un exergue de mon livre, cette citation de Topor que j'adore. C'est l'histoire qui va suivre, et donc en fait tout ce que j'ai raconté aujourd'hui à l'antenne, hein, l'histoire qui va suivre est véridique jusque dans ses moindres détails, à moins qu'une affreuse erreur ait tout faussé depuis le début. Ça résume bien tout ça. Surtout que là, c'est vraiment le début où on ne sait pas dire. J'en ai relevé une autre dans les livres, comme on n'était pas sûr qu'on aurait ramené une... Qui est un début de chapitre, alors je ne sais plus quel chapitre exactement, un des derniers chapitres, c'est « Qu'advient-il du trou lorsque le fromage est disparu ?» de Bertolt Brecht, ouais. Voilà. Je trouve qu'elle était pas mal aussi sur les trous noirs. Ok, donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci à vous. On est ravis, on a eu plein de réponses. Je pense que le public était ravi aussi. On a eu quelques dessins dans la chatroom, on va vous les montrer juste après, donc de Puyo et Inti. Merci beaucoup, Puyo qui a fait des gifs animés cette semaine. Et Randall Flagg aussi, il y a eu beaucoup d'animations. Donc vous savez maintenant que l'univers aura probablement une fin dans quelques millions, voire milliards d'années. Mais bon, ça vous laisse quand même quelques temps un peu pour partager le podcast sur tous les réseaux, SoundCloud, Twitter, notre site internet podcastscience.fm. Donc on vous remercie encore d'être venu pour ce passionnant interview. Et donc on se retrouve la semaine prochaine avec Nicolas Grandjean pour parler de scanner. Et d'ici là, que servir la science soit votre joie. vu d'ailleurs qu'il y a une nova qui est apparue là. Ah non, dans la constellation de Sagittaire. Très, très récemment. J'ai juste mis un billet de blog aujourd'hui. Oui, elle a été vue le 15 mars par un astronome amateur. D'accord. Et puis elle est montée jusqu'à la magnitude 4. D'accord. Oui, oui, oui. Donc visible à l'œil nu, entière. Et puis là, elle a commencé à décroître. Et il m'était arrivé d'ailleurs un truc à Meudon, d'ailleurs, comme ça. À Meudon, on n'est pas loin d'Orly. Il y avait un avion qui arrivait de face. Oui, oui. Et un soir où je rentrais, et là, je vois l'avion qui arrivait de face et qui ne bougeait pas, j'avais l'impression. Et je suis là, il y a une super de vague qui vient d'apparaître. Là. Et ça a duré 5 minutes, elle me dit, ah, c'est quand même fascinant. Hein. Ça ne bouge pas.